Previously on Casse sur table. Eh ben oui, il n'y avait que des bons trucs ce mois-ci, décidément. C'est vrai, il n'y avait pas de cul, pas de petites filles. Bah ouais, si, mais elles étaient toutes mignonnes, c'était tout gentil. Mais voilà, c'était un bon enfant, quoi. Là, je trouvais ça vraiment sympa. Bien facile à lire et tout, très bien. Passe un bon moment. Eh les gars, j'ai reçu No Game No Life. Sainte mère de Dieu. Je lirai pas. Non, mais c'est peut-être mieux que ça en a l'air, on sait pas. Et bienvenue pour votre nouvel épisode de Case sur table pour vous parler manga et comics avec moi autour de la table des nouveautés. Je suis avec Alex. Ouais. Avec Necro. Ouais. Et avec Issam. Pourquoi je passe toujours en dernier? Parce que t'es... Non. Il faudra couper. On ne dira rien. Mais tu peux dire bonjour par contre. Hein. Bonjour. Bonjour à tous. Putain de mal poli, va. Messieurs, comment allez-vous? Ça va. Ça va. Cet enthousiasme. Bah moi je viens à pied. Bah, en même temps, vu de moi qu'on a eu, l'enthousiasme ne nous en demande pas trop. Bah pourquoi, on a lu des bonnes choses ce mois-ci, non? Oui, une ou deux, ouais. Hein? Oui, une ou deux. Ah, oui. Je comprends que t'as dit oui, nous deux. Ah. Ouais, je comprenais pas non plus. Vous lisez ensemble. Bah écoute, souvent quand on prend notre bain, on est collègues. Faut pas lire dans le bain, ça abîme les pages. On aime bien prendre un bain avec de l'eau mouchante. Et on lit manga dedans, Isham et moi. On aime bien. Lire dans le bain, avant je faisais, mais maintenant j'ai arrêté, maintenant je prends des douches. C'est moins pratique. Le mec qui met ses mangas dans un sac plastique. Il lit dans le bain. Il lit sous la douche avec ça. Sa merde, il y a trop de gouttes, je vois plus. Oh putain. Messieurs, comme d'habitude, un petit tour de table pour connaître vos dernières activités hors podcast. Et si nous commencions par Issam, vu qu'il vient de se plaindre de passer toujours en dernier? Bah moi il y a le... Ok, c'était très intéressant, merci. Non, bah il y a le nouvel épisode de Archiviste qui est sorti, le prochain est déjà en cours, et c'est à peu près tout. J'ai l'impression que c'est de la promo. J'ai l'impression que c'est toujours pareil, lui. Ah ouais, bah, évidemment, j'ai une vie de merde, c'est pas de ma faute. On fait une promo en fin d'épisode, mais lui peut pas s'empêcher de la caser en début, quoi. Bah oui, parce qu'en fin d'épisode, il n'y a plus personne qui nous écoute, ils sont tous partis. De désespoir de cause, ils sont tous suicidés. J'ai regardé, le watch time, il s'arrête à 5 minutes généralement. Sur... Il s'arrête après l'intro, c'est ce qu'il y a de plus drôle. Nécro. Bah moi j'ai trouvé du taf. C'est bien. Voilà. Oh. C'est quoi? Je suis technicien des agents de surface. Voilà. Je fais du ménage. D'accord. C'est ça. Bah c'est bien, il en faut, hein. Oh oui. Heureusement. Ouais, parce que s'il n'y avait pas, tu montrais dans sa merde. Ils m'ont fait un salaire à la fin du mois. Puis oui, tout à fait. Que mon métier. Puis c'est bien, j'ai pas à supporter les clients. Oui, oui, en plus. Moi, c'est moi qui ai les clés qui ferment derrière moi, il n'y a plus personne, c'est bon. Les horaires, ça va? Ça va, c'est tranquille. Par contre, j'ai pas encore beaucoup d'heures. Donc, oui. C'est tout. C'est le début. Ah, enfin, et toi? Eh ben, moi, j'ai regardé la Casa de Papel. Ah! Si, c'est énorme, c'est trop bien. La deuxième partie ou l'intégrale? Non, j'ai regardé que la première pour l'instant. D'accord. La deuxième vient juste de sortir, j'ai pas encore commencé, mais j'aime beaucoup. Donc, série espagnole sur Netflix. Ouais. C'est l'histoire d'un braquage de banque un peu exceptionnel, qui est orchestré par une grosse tête pensante avec une équipe de petites personnes qui sont toutes spécialisées dans certains domaines. Et c'est vachement cool. C'est Ocean Eleven, quoi. Ouais, mais en mieux. En espagnol. En espagnol. C'est prévu pour être une seule et unique saison, il me semble. Mais produit par Netflix, ce qui est un gros défaut. En fait, de ce que j'ai compris, c'est coupé en trois grosses parties. Ouais. Donc tu peux comparer ça à des saisons, mais sinon, oui, c'est... Tu peux tout enchaîner, quoi, en fait. Mm. D'accord. Qu'as-tu dire? Ouais, sinon j'ai enfin regardé Justice League. Je dirais que c'est le mieux rythmé. C'est qu'il est pas forcément génial, quoi. Tu vois, dès que t'as dit Justice League, on s'est tous endormis. C'est pour dire à quel point ce film est rythmé. Je suis le seul à pas l'avoir vu, du coup. Même. C'est ça. Parce que toi, tu l'as vu. Toi aussi. Ah, mais non, c'est un peu Osef, quoi. Il y a des bons moments, mais c'est Osef, sinon. Je le verrai jamais, je pense. C'est même pire. Ouais, j'ai vu des j'ai 18-50, hein, donc... J'ai vu des images de cyborg l'autre fois. J'avais l'impression que c'était photoshopé le truc. Enfin, ouais, c'est pas le pire. C'est pas le pire, si. Ah bah si c'est pas le pire. Bah, il avait pas de moustache. Le méchant, non, par contre, il est Xbox One. Ah. Je sais pas si vous êtes d'accord avec le méchant, quoi, c'est un New God, non? Ouais. Oui, c'est Steppenwolf. Ouais. Et puis il y a la lèvre supérieure retouchée. De... Qui est entièrement fait en synthèse. Ah la vache. Ah oui, non, mais il est... C'est même pas un décor, c'est même pas un costume, c'est entièrement de la synthèse. Mais en plus, apparemment, Steppenwolf, le design a été changé en fait à quelques mois de la sortie du film. Donc ils avaient déjà fait des effets spéciaux assez aboutis avec un autre design du personnage. Et s'il est aussi moche, c'est parce qu'ils ont dû tout refaire en rush à la fin parce que la production a décidé de tout changer. Lol. Voilà. Un bien beau film, oui. Et t'as vu sinon sur Netflix, je crois que tu l'avais vu la première saison de Santa Clarita Diet. Oui, c'est très bien. Ouais, mais j'ai pas encore regardé la deuxième, tu l'as vu toi? Non, pas encore. Je vais me la regarder aussi. Ah mais la première tu l'as vue du coup? Oui, la première je l'ai vue. Oui. C'est à mourir de rire. Ouais, c'était vraiment cool. Par curiosité, vous êtes payé combien par Netflix? Bah écoute, il faudra peut-être que d'autres plateformes sortent des trucs bien et on parlera des autres. Mm. Voilà. Et boum! Tout simplement. Ou alors on pourra parler de cinéma qui sortent en salle quand, dans notre petite ville de Reims, sur un vrai cinéma qui passe des vrais films. C'est aussi l'argument d'In the Panda, ça. De quoi? Pour parler de Netflix. Bah oui, mais ils sortent des trucs bien, du coup j'en parle tout le temps. Ouais, mais nous, Netflix nous paye pas. Voilà. C'est ce qu'il dit aussi. D'ailleurs, si, ouais, voilà, si on pouvait avoir un partenariat, hein, hein. Il est con. Bah non, mais quand il y a des trucs bien, faut le dire, quoi. Bah c'est ça. Oui, oui. Tu veux toujours ranger ton chèque, oui, t'es un peu voyant, là. Oui, oui. N'importe quoi. Bon, est-ce qu'il serait pas le temps de parler comics manga? Bah et toi, t'as pas d'actualité? Beaucoup de jeux vidéo. Fout. Ah, on s'en fout. Voilà, puis il s'en fout. Ok, bah, c'est bon alors. Bah, moi je prends des bains avec Icam. C'est une super activité. Puis honnêtement, les jeux vidéo, entre les fois où il fait tomber des tours parce qu'il est incapable de construire des trucs qui tiennent, et les fois où il écrase ses copains, bon. C'était joli ça. Hein, le... quand je lui ai roulé dessus dans Ghost Recon. Oui. Un magnifique passage. Donc oui, beaucoup de Tricky Tower, du Ghost Recon et du Secret of Mana, et du Xenoblade, mais tout seul. Donc n'hésitez pas à voir les lives. Hein. Non, je suis toujours dessus. J'en suis à 45 heures de jeu, je crois. Et ouais. Et ouais, mon ami, je travaille. C'est dur. Et j'attends toujours des réductions sur la Switch, mais je crois que je peux me brosser. Hein. Ah bah, c'est comme les réductions à aucun début, là. Ouais, c'est pareil. C'est une légende, ça. C'est une légende, ouais. C'est le bon mot. Pourquoi tu ramènes toujours ça sur la table, là? Bon, est-ce qu'on parlerait pas comics manga, messieurs? Ouais. Mais est-ce qu'on n'entamerait pas ce numéro avec un, apparemment un dossier, plutôt une parenthèse. Un manga que vous avez lu dans votre bain tous les deux? Voilà, avec Aurélien, cette fois-ci il était avec. Ah, vous étiez tous les trois. Non, nous on prenait le bain et lui prenait la douche. Ah. Il y a un moment où j'ai ramassé à savonner, j'ai rigolé. Et du coup on lui lisait le manga, lui il pouvait pas voir. On va vous parler de No Game No Life, mais en même temps, on va vous expliquer pourquoi l'équipe de Casse sur Table a décidé de ne plus à l'avenir... aborder ces mangas-là. Bon, la raison elle est simple, c'est de la merde. Bon, moi, déjà, j'avais pris cette résolution-là depuis le début, mais... Mais aussi parce qu'on juge que No Game No Life pose problème. Oui. Pour pas mal de sujets. Issam, est-ce que tu veux prendre la parole à ce sujet? Oui. Alors, je vais quand même résumer très rapidement. Merci, monsieur. No Game No Life, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur otaku, on va dire, qui passent leur journée à jouer sur Internet et qui sont devenus des experts en jeux en tout genre. Et qui sont amenés dans une sorte de monde parallèle où tout se résout par le jeu. C'est-à-dire, s'il y a un conflit entre deux personnes, elles font une partie d'un jeu donné, et ça permet de régler le conflit. Le problème de No Game No Life, c'est que donc, bah, le frère a à peu près 17 ans. Dans mon 18, souvenir, il a 18 ans. Et sa petite sœur, elle, a 11 ans. Et le problème, c'est la sexualisation de la petite sœur, qui est montrée, une fois sur deux, quand elle apparaît, elle est montrée de manière à ce qu'on voit bien sa culotte. Première image, elle est vraiment plan culotte, face caméra, avec c'est les jambes écartées, en train de jouer. Le personnage est toujours hyper lascif, hyper sexualisé. Il y a une scène où voilà, elle filme son frère qui est à la limite en train de violer quelqu'un. Il y a pas mal de remarques comme quoi le frère ça gênerait pas de se taper sa petite sœur, comme quoi il la trouve sexy, mais qu'il y a que la loi qui l'empêche d'agir. Et donc voilà, parce que vous comprenez, à son âge on a des besoins, c'est ça, c'est l'excuse qu'il nous est donnée. Et puis oui, il y a ce passage là qu'on a lu tout à l'heure où il dit mais t'es sexy, si tu prenais soin de toi tu serais bonne. Elle a 11 ans. Donc voilà, on a décidé de plus parler de ce genre de truc parce que non, c'est malsain. C'est, il y a même plus à dire si c'est bon ou non. C'est trop malsain si on veut pas lire ce genre de truc. C'est ça, ça nous dégoûte nous-mêmes en fait. C'est ça. Je veux pas qu'on me fasse fantasmer sur des gamines de 11 ans. Et donc plutôt que d'en parler et du coup de leur en faire de la pub, même si c'est de la mauvaise pub, plutôt ne pas en parler et nous focus sur des titres qui nous intéressent peut-être plus, enfin sur déjà beaucoup plus, forcément, parce que ça ne parlera pas de petites filles à culte. C'est alors, ça. Précisons aussi un truc, c'est que si jamais il y avait acte, à un moment dans le manga, là on taperait dans la loi du lolicon qui fait qu'il y a risque de prison et d'une très grosse amende rien que pour détention de l'œuvre. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, t'avais pas, c'est pas la loi sur les lolicon qui était passée il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est extrêmement violent. Hein. Donc je crois que c'est 30 000 euros d'amende et quelques mois de prison. Enfin, je veux dire, c'est un truc bien... oui, non, rien que pour détention. Ça joue en plein sur une... Ça joue sur l'ambiguïté en disant « oui, il n'y a pas acte ». Ouais. Voilà. Oui, mais ce ne sera jamais publié de toute façon. Si ça ne rentre pas dans la législation, ce ne sera jamais publié normalement. Ah oui, oui, oui. Mais là, on est juste à la... On est borderline. Oui. C'est le tome 2 d'Infection. Infection dont vous avez parlé dans un précédent podcast. Va encore plus loin aussi dans la sexualisation de la petite sœur. Ah oui, une scène de bain qui dure tout un chapitre et où c'est largement sous-entendu que le frère et la sœur se masturbent dans le bain, quoi. Youpi. Ensemble. Bah oui, plus ou moins ensemble, ouais. Voilà. Donc voilà, il y a une scène de viol aussi, plus ou moins. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Sur le fait que c'est en plus la sœur qui connaît parfaitement le fantasme de son frère, justement, qui est les vidéos avec simulation de viol. Non, justement. Ah non, c'est directement c'est ce les viols. C'est que lui n'aime pas, justement. Ah, il n'aime pas. Voilà. Ah. Non, c'est un mec bien. C'est un mec bien. Attention. C'est un mec bien. Il veut se taper sa petite sœur, mais c'est un mec bien. Et ça arrive au meilleur d'entre nous. Jamie Lannister, si tu nous écoutes. Et puis, de toute façon, malgré ça, je pense qu'on a tous les trois pour dire que No Game No Life, l'univers. Pourrait être intéressant, mais en fait, non. C'est... Parce ouais. que tout y est mal amené. Le dessin n'est pas extraordinaire. Puis le pseudo est impossible à raconter. Bah, non, on est d'accord. Oh, le dessin, il est loin d'être extraordinaire. Crochet, trois espaces. Acceptable, quoi. Oui, il est acceptable, mais... C'est clairement... juste l'histoire qui est merdique, quoi. Bah, c'est tout, l'univers, l'histoire, tout ce qui est emballage, quoi. Le pseudo du personnage, on est d'accord, c'est Crochet, trois espaces Crochet. Oui. On est d'accord, ça n'existe pas. Non, mais en fait, le truc, c'est que l'univers n'a même pas le temps de se développer, vu que entre les moments où il fantasme sur sa sœur, les moments où il veut se taper la fille au gros sein qui mouille à l'idée de se faire violer, et les scènes de bain, d'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de place pour autre chose. Merci de nous offrir cette case gros plan culotte, jambes écartées sur la culotte imbibée de mouille. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. C'est pas le genre de truc que j'aurais voulu voir. Et sinon, juste, attends, je l'emprunte, hein, je le pique. Voilà. Je te le rends après. Non, mais c'est bon, j'ai fini. Donc, ça a été catalogué, sinon, ce truc-là, en seinen. C'est... C'est pas en shonen, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Heureusement qu'on n'est pas dans le shonen. Parce que là... Là, on n'est pas bien. Et ça, c'est quoi comme éditeur, ça? C'est Ototo. Ototo, d'accord. Putain, ça, c'est... Ototo, c'est... j'ai l'impression que c'est souvent assez d'underline, ce qu'ils font. C'est Monster Musume. Bah, c'est des light novels, quoi, en fait. Non, mais sérieux. Non, mais... Oui, non. Parce que ça, c'est un light novel. Arrêtez, arrêtez d'envoyer des trucs comme ça. Gardez-le pour des pays où c'est normal, hein, mais chez nous, non, c'est pas normal. Ouais, voilà. Ça se voit, ils peuvent rien. Finir cette planche-là. Et bon vomi. Après, ils y sont pour rien si ça se vend. Hein. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ça reste quand même un éditeur et à la base, ils sont quand même là pour se faire de l'argent, quoi. Le fond du problème, c'est pas le temps que ce soit publié, c'est que ce soit acheté derrière. Voilà, c'est ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est ceux qui vont lire un truc comme ça, c'est est-ce qu'ils en ont... Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est glaireux ? Est-ce qu'ils se rendent... Est-ce qu'ils s'en foutent du message, ouais ? Ou est-ce que c'est que réellement, ça les fait fantasmer ? Ou s'ils s'en foutent du message, bon, il y a moyen de les sauver. Putain. C'est que ça les fait fantasmer, là, ça devient grave. Ah non, c'est bon, j'en ai assez vu. Ouais, on est d'accord. Ouais, donc Infection aussi. Hein. C'est qui l'éditeur celui-là, Infection, ouais. Infection, c'est Delcourt Toncable, je crois. Ouais. Ah, Delcourt, vous êtes capable de faire des bons trucs là. Pourquoi vous faites ça? Ouais, parce que ça se vend. Eh oui. Le fond du problème, c'est ça. Elle a quel âge déjà, la petite là dans... Bah, 11 ans aussi. Ouais, parce que là, on tape en plein dedans. Hein. Et encore, je suis gaffe, faites gaffe. Elle a 11 ans, vu qu'elle est encore en primaire dans celui-là. Oui, il me semblait que c'était moi. Ouais. Enfin, son âge n'est pas donné, mais elle est à l'école primaire. Mais après, l'école primaire, ça n'arrive pas au même moment au Japon. Donc, Enfin, voilà. 10-11 ans, quoi. Là, au niveau de la loi, je ne sais même pas si c'est légal. Tu vois, déjà, là, on est déjà dans le... Mais ça montre rien, ça montre pas d'acte, donc je pense que c'est légal. Elle se touche carrément. Elle est contre son frère, elle se touche, clairement. Elle se touche pas, c'est la douche qui vient la toucher. Oui, enfin... C'est la douche qui vient la toucher. Je pensais pas qu'on aurait ce débat là. Mais oui, c'est son frère. Non, elle se touche pas une seule fois, c'est son frère qui lui douche l'entrejambe. De la même manière. Qu'il a fait. Mais il faut décrire exactement. Son frère lui lave l'entrejambe, enfin en la douchant au niveau de l'entrejambe, à la manière qu'une femme pourrait se masturber sous la douche. Et je crois qu'elle est arrivée. Pourrait se masturber sous la douche dans le fantasme d'un homme, hein, soyons honnêtes. Je crois qu'elle est arrivée à terme aussi. Oui, bah il y a une case où effectivement on la voit les yeux mi-clos en train de faire « en ». Voilà, je crois qu'elle est contentée. Je ne ferai pas de bruitage, j'essaierai pas de jouer ça. Excusez-moi. Bon bref, je pense qu'on a déjà assez parlé, hein. Ouais. Donc voilà, ce genre de truc. Donc c'est Infection, c'est No Game No Life et c'est Monster Musume Like. Ne passeront plus sur notre table, tout simplement. Mmh. Et je pense qu'on s'en portera... tous les quatre beaucoup mieux. Bah déjà on aura plus à les lire. Bon sauf toi, parce que toi tu les as jamais eu donc. Ouais, moi j'ai jamais pris le risque ni gaspillé mon temps pour ça donc. Si non mais à chaque fois faudra qu'il y ait un de nous qui parte en éclaireur pour lire le machin et dire aux autres. Pour s'assurer. Non, venez pas par là. c'est de la merde. Venez pas. C'est ça. Bon messieurs, on va laisser No Game No Life de côté. Non tu t'es trompé, ça c'est la table, la poubelle elle est là-bas. Ah désolé. Hop. Et bien on va enchaîner tout de suite avec un comics édité par Glénat Comics et il s'agit de Beauty. Alors Beauty qui a été scénarisé par Jeremy Owen et Jason Hurley. Au dessin nous avons Jeremy Owen aussi, à la couleur John Roche et c'est tout. Ok. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Et déjà donc pas mal. C'est Glénat Comics. Édité par Glénat. Alors très belle édition hein. Pêche et tout, très sympa. Toujours avec Glénat, ouais. Ouais, comme d'hab. Et sinon, c'est l'histoire donc de notre bonne société qui se retrouve avec un virus en plus, une nouvelle maladie sexuellement transmissible, qui est extrêmement virulente, c'est-à-dire qu'il suffit d'un rapport pour l'attraper. Mmh. Et voilà, c'est pas. Un rapport sexuel non protégé. Voilà, voilà. Et par contre, cette maladie-là, elle a pour, elle a comme symptôme de rendre les gens beaucoup plus beaux. D'où son nom. Dans les canons de beauté. Et du coup, donc voilà le virus Beauty. Et sinon, bah, y a juste comme effet secondaire, c'est qu'il y a aussi le fait que les gens mangent plus, mais ils ne prennent pas un gramme, et qu'ils ont une légère fièvre permanente. Ouais. Et voilà, quand on est d'un seul coup beaucoup plus beau, beaucoup plus belle et tout, hein, c'est tolérable. Sauf que. Est-ce que quand tu dis beaucoup plus beau, c'est tout hein. C'est genre si t'avais des rides, ça les efface. Ça efface les rides, si t'avais des cheveux, ça repousse. Voilà, c'est. On rajeunit, les cheveux, à la seule coup, si c'était poivre et sel, ben, ils reviennent bien voilà. Noirs. C'est vraiment... Et du coup, il y a tout le monde qui veut choper cette maladie. Voilà, les gens... Enfin, tout le monde. Une grosse partie de la population qui voilà. Alors, une majeure partie. Il y a 50% de la population qui l'a. Et parmi les 50% qui ne l'ont pas, il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'avoir et qui voient très mal les gens qui ont un très mauvais point de vue, des gens qui ont cette maladie-là. Sinon, il y a un jour, une personne qui... entre en combustion spontanée. Et à partir de là, il va y avoir une enquête. Mais une personne qui a le Beauty. Qui a le Beauty. Et du coup, il va y avoir une enquête faite par... surtout deux agents qui vont s'entêter là-dessus. Qui vont être mis de côté très vite par des agents qui, eux, s'occupent de tout ce qui est contagion, de ce qui est extrêmement contagieux. Et on va s'apercevoir qu'en fait... les effets du Beauty sont cachés. Et donc, il y a toute l'enquête là-dessus. C'est vraiment toute l'enquête là-dessus. Et toutes les actions qui sont faites par les gens qui sont soit pro-Beauty, soit anti-Beauty. Et avec les camps qui vont des fois se mélanger et tout. C'est assez intéressant. Oui, mais ce que j'ai trouvé ça... Il y a un groupe de révolutionnaires, du coup, qu'on découvre à la moitié du récit. Ouais. Voilà, et il y a des gens qui sont pro-Beauty au point de cacher tout ce qui peut se passer comme effet secondaire dessus. En même temps, si on avait ça, ce serait génial pour juguler la population. Hein. Vous allez mourir jeune, mais n'inquiétez pas, vous serez très beau. Et du coup, dans l'histoire, on suit un inspecteur justement qui est contre ce phénomène et qui va se rendre compte qu'en fait sa femme l'a trompé et qui a chopé la maladie. Ouais. Et puis il y a aussi. Et du coup, lui va choper aussi la maladie. Il y a aussi une des inspectrices, c'est comme ça qu'il se rend compte que sa femme l'a trompé. Il y a aussi une des inspectrices qui l'a, mais qui n'a jamais voulu l'avoir. C'est ça. Oui, et qui l'a de base dès le début du récit, elle l'a, et voilà. Donc, voilà, c'est elle l'a, point barre, quoi. Donc, elle, l'enquête la touche très proche. Et c'est ce qui va déclencher, ouais, un tourbillon d'événements qui vont l'emmener à découvrir tous ces extrémistes, etc. Voilà. Et... mais on n'en dit pas plus. Et c'est ça qui est bien, ouais, c'est ces extrémistes des deux sens, en fait. Voilà. Autant les pros que les contres. Mmh. Ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment les relations entre les gens par rapport à ça. Par rapport à l'information, je veux dire, une information qui touche la moitié de la population quand même, comment la traiter, comment ça se passe, c'est assez bien foutu. J'ai apprécié le rapport entre les gens. Mmh. Mais graphiquement, ça a de la gueule aussi. C'est très propre. Ouais, c'est propre. C'est très propre. Non, mais c'est bien. Hein. L'intervention dit ça après 3 minutes. Non, mais c'est bien. Hein. Ben non, mais voilà, c'est l'univers est super intéressant. Après, le développement de l'histoire, même si c'est intéressant de voir les deux extrêmes, pour l'instant, je le trouve relativement classique. Oui. On verra bien par la suite. Mais c'est très bien, ouais. Mais au moins, c'est un tome qui fait avancer son histoire dès le premier tome. Oui. Parce qu'on a beaucoup eu dernièrement dans les comics des tomes 1 qui étaient des tomes d'introduction et qui, en fait, développaient pas vraiment l'histoire, qui était là juste pour poser les personnages et basta. Ouais. Et fallait automatiquement voir le tome 2 pour voir ce que ça donnait. Là, c'est pas le cas avec Beauty. C'est dès le début, on te pose les personnages, on te les pose bien, on te pose bien l'univers et l'histoire avance. Mm-hmm. Tu veux dire que c'est pas une Walking Dead? Walking Dead, c'est un... Walking Dead, ça fait 27 tomes qu'on est dans le tome d'intro. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Walking Dead, c'est pas un tome introductif, c'est un comics introductif. C'est pas pareil. C'est vrai qu'on se fait bien introduire en lisant cette merde. Hein. Mais... Il est violent. Ah putain. Ah, c'est le fait qu'on lise plus jamais de No Game No Life, ça le rend triste. Et frustré. T'inquiète, j'essaierai de t'avoir le 2. Mais de son, on parlera du problème Walking Dead quand on abordera un autre titre de la sélection écrit par le même auteur. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Beauty? Bah, quand même, faut, si on a un petit peu peur du sang et des effets gore, il y en a un petit peu dedans. Hein, on va éviter. Bon, ouais. Il y en a quelques-uns, notamment... Bah, par rapport à un méchant, mais... Bah, bien glauque, le dernier tiers, bien glauque, surtout le dernier tiers. Oui. Mmh. Et puis il y a aussi le contact avec le corps. Je veux dire, il y a beaucoup de choses par rapport au toucher, par rapport. Il y a beaucoup de choses qui sont décrites comme ça. Ça m'a pas choqué du tout. Non. C'est vraiment pas gênant. Juste le passage où c'est le plus gênant, c'est un moment avec un jeune homme dont les services sont loués et qui finit mal. Et où là, c'est vraiment plus insistant, mais c'est volontairement insistant. La femme, ça t'a pas choqué. Ça finit mal. La femme. Bah parce que l'homme, c'est la deuxième fois où on rencontre ce personnage, mais la première fois c'était une femme, ça t'a pas choqué. Bah, j'avais trouvé ça encore plus insistant sur l'homme. Ouais. Bah oui, parce que là, au final, avec la femme, on voit pas grand chose. Ouais. Ça cut au bon moment. Alors que là, on voit tout. Il y a plaisir. Mm. Alors que là, oui, avec l'autre axe, ça va beaucoup plus loin. Sans trop en dire, parce qu'on est borderline au niveau du spoiler là. Ouais. Encore une fois, c'est un truc qui pourrait faire un peu Cronenberg dans l'univers. Oui, totalement, la body horror et le rapport au corps. Ce serait tout à fait son genre, ça. Le rapport au corps, le fait que ça soit de la maladie aussi, il aime bien tout ce qui est micro-organisme et tout, Cronenberg. Ouais. Et puis même le contact, tout ce qui est touché est décrit assez régulièrement dedans. Mmh. Tout ce qui est touché, ouais. Mon proctologue aussi, il aime bien les toucher, mais c'est pas pour ça qu'il réaliserait bien ce film. Hein. Ouais, mais... Oh, le niveau de ce podcast. Donc Beauty, on peut conseiller ça pour les gens qui aiment bien les récits très, très orientés thriller, forcément. Très polar. Ouais. Bah, les gens qui cherchent quelque chose de graphique et puis qui a une petite histoire sympa derrière, ouais. Ouais, c'est jamais trop sur un genre. C'est-à-dire que c'est pas 100% polar, c'est pas 100%... Ah non, oui, il y a des gros moments, il y a des bons moments action aussi. Donc même s'il y a un genre qui peut nous gêner éventuellement un petit peu, ça reste pas complètement ce genre-là très vite, ça passe à autre chose. Même si je pense que le genre thriller sera... Le genre thriller, risque d'être de plus en plus présent. Voilà, le genre thriller, par contre. Pour le coup, la fin donne vraiment envie de lire la suite. Oui. Mais je pense que vraiment le dessin a une importance pour cette histoire. S'il n'y avait pas eu ce genre de dessin-là, j'aurais pas... Le dessin colle parfaitement à l'ambiance. Ouais, j'aurais pas eu le même sentiment. Je pense que j'aurais pas envie d'aller voir la suite, en fait. C'est sûr que ça aurait été du Scotty Young, ça aurait été moins bien. Ouais, mais voilà. c'est clair. Encore, c'est pas le pire. Mais je dis pas de mal de Scott Young, juste que sur ça, sur Beauty, on dit pas mal de Scott Young. Moi, j'imaginais ça dessiné par Zep. C'est délicat. Ou par Philippe Geluck. Le chat qui entre en combustion spontanée. Oh la vache. Ça se voit qu'il a pas vu les Avengers dessinés par Scott Young. C'est pas beau, hein. On dit pas de mal de Scott Young. Non, mais ça y est, le mec a lu une œuvre. Issam, qu'est-ce que tu fais dans ton pantalon? Bah, il regarde à nouveau le. L'histoire Infection 2. Si tu veux, il y a des planches originales en vente hein, de Scott Young. Pas cher. Hein. Je crois que tu parlais d'Infection. Non. Pas cher. Abordable. Ouais, si, pas cher. Ah, je te jure, c'est pas cher. Pas cher. Moins de 100 euros. Ça va, faut juste les avoir. Ouais, c'est ça. c'est comme 10 000 euros, c'est pas cher, faut juste les avoir. Donc, sinon, je peux dire que ça, je le recommande. Oui, moi aussi. Pareil. Ça fait partie des lectures, ouais, des meilleures lectures du mois, même pour moi. Mm-hmm. Oui, ça veut pas dire grand-chose, vu le mois. Oui, voilà. Bah, au niveau de ce que j'ai lu en comics, c'est le meilleur pour l'instant de ce que j'ai lu. J'ai pas tout lu. Et ben, on va enchaîner avec un autre comics, mais cette fois-ci. Que seuls Issam et Alex ont lu, il s'agit de AD After Death, édité par Urban Comics chez nous. Oui. Bah c'est scénarisé par Scott Snyder et dessiné par Jeff Lemire. Lemire. Je sais pas comment on prononce. Lemire. Moi je dis Lemire. Ouais, moi je dirais Lemire aussi. Lemire. Alors. L'autre là-bas. Machin truc. Celui qui fait des bons trucs. After Death, j'ai essayé de résumer du mieux que je peux, mais c'est un peu compliqué à résumer. C'est l'histoire d'un homme qui vit dans un monde alors futuriste. On ne sait pas exactement l'année au début. Et on se rend vite compte que, visiblement, la perception du temps de vie n'est pas du tout la même dans ce monde. Visiblement, les gens vivent très longtemps, ils comptent par cycle de plusieurs dizaines d'années. Bah, un cycle, c'est un siècle. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Ah, c'est ça. Voilà, donc il compte par siècle. Et, ah oui, voilà, d'accord. Ce qui fait long. Ah oui, effectivement. Ce qui fait long. Effectivement, ouais. On comprend aussi que c'est un monde où visiblement il s'est passé des trucs qui ont rendu inhabitable une partie de la planète, mais pareil, au début, on sait pas exactement quoi. Bah, même à la fin. Oui, même à la fin, on sait ça pas. Ça reste obscur. Ça reste flou. D'autant plus flou que en fait, à chaque cycle, les gens bah, du coup, peuvent revivre et du coup peuvent techniquement vivre éternellement, mais par contre ils perdent la mémoire de leurs anciens cycles. C'est ça. Donc il y a cette histoire principale sur ce jeune homme dans ce monde dont on ne sait pas bien ce qu'il veut. Et en parallèle, on a des. Donc ces passages-là sont en BD traditionnel, souvent très aérés d'ailleurs, il y a assez peu de dialogue, ça laisse beaucoup place au dessin de l'émir. Mmh. Et à côté de ça, il y a de nombreux passages, ça fait à peu près la moitié du tome, qui sont sous forme plus romancée, donc sur de grandes planches avec des paragraphes de texte et quelques dessins, mais assez épars, où on voit le passé de cet homme, ou une sorte de journal qu'aurait tenu cet homme sur son passé. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est un journal qu'il a tenu, que son personnage, dans le présent, a retrouvé, et qu'en fait, il relie son passé, dont il ne se souvenait plus du tout, il le redécouvre dans ses journaux qu'il avait tenus, qu'il avait tenus il y a plusieurs siècles. Je ne vais pas aller plus loin, parce qu'après, ça reviendrait à dévoiler certains éléments assez importants de l'intrigue. Je pense que c'est volontairement rempli de zones de mystère, de toute façon. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Bah ouais. Mais enfin, comme je disais hors podcast, je ne sais pas vraiment... Comment définir mon sentiment vis-à-vis de ça? J'ai bien aimé. Le style de Lemire, ça colle parfaitement au récit, je trouve. Je pense qu'il n'y avait pas mieux. Maintenant, je trouve qu'il y a des trucs vachement obscurs. Comme tu disais au début, le bas monde, ce qui s'est passé, on ne sait pas. Ouais. Enfin, je n'ai pas compris ça, quoi. Rien que ça, déjà, ça me met un peu mal à l'aise. J'ai trouvé ça vachement dense quand même. Oui. À lire, c'est pas facile. Lire tout ça d'une traite. Ah bah les passages en forme romancée, c'est costaud quand même. Texte, ouais, c'est costaud. Ouais, et puis si j'ai bien compris, t'as eu l'impression d'avoir loupé quelque chose dans l'histoire. Ouais, bah, c'est simplement pas expliqué. Bon, quoi. Clairement, j'aurais besoin de le lire une deuxième fois pour, je pense, vraiment saisir tous les éléments de l'intrigue et de l'histoire, mais voilà, je suis un peu déboussolé, quoi. Bah, Bah, en fait, ce qui donne un effet déboussolant, c'est que bah, donc le personnage a oublié plein de choses de ses vies passées. Je pense que c'est tout simplement pour ça qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pour que la Terre soit dans cet état. Hein. C'est que lui-même l'a oublié. Mais c'est vrai que le choix de narration de faire des passages du journal et de suivre le personnage à l'instant présent qui, lui, ne se souvient de rien, qui vit sa vie comme ça, qui... Et tous ces événements-là, on comprend pourquoi il les a fait à la moitié du récit. C'est assez bizarre, quand même. Parce que tout ce qu'il fait au début, on comprend rien, en fait. Oui. C'est après, quand on arrive à la moitié du, enfin, à la moitié du livre, qu'on se dit « Ah oui, c'est pour ça qu'il a fait ça, etc. » Bah, et puis, ouais, il y a un paradoxe que j'ai trouvé pour le coup très sympa, mais qui effectivement nous égare, entre toutes les zones de flou, parce que c'est clairement sous-entendu qu'il y a plusieurs de ces cycles où il n'a pas tenu le journal, donc il y a facilement 800, 900, 1000 ans de sa vie, ouais, dont on ne sait absolument rien. Mais à côté de ça, dans son journal, on a des événements extrêmement précis. C'est, des fois, il va décrire des trucs sur des gens qu'il a connus à l'époque, il va passer 2-3 pages à parler de ce qu'ils ont vécu, des souvenirs qu'il y a d'eux. Donc c'est comme si on avait une toile très floue, en fait, enfin une photographie hyper floue où on ne pourrait distinguer aucune forme globale, mais où il y avait des tout petits points un peu partout, très précis. C'est vrai que c'est un sentiment assez bizarre qui, personnellement, m'a beaucoup plu. Après, la fin m'a pas déçu. Je la trouve un peu classique, mais je m'y attendais pas, pour le coup. Mais je, dans ce genre de récit, c'est classique. Attendais, mais ça marche. Ouais, voilà, ça marche, c'est ça. C'est classique, mais c'est... ça marche. Ouais. Même si la dernière page, ça m'a un peu... J'ai un peu grincé des dents, mais... Pourquoi? Enfin, en essayant de pas spoiler. Ouais, ouais, ouais, non, bah c'est regarde, compliqué. Je sais pas si... Ouais. Enfin, clairement, on va finir comme ça... Voilà quoi, c'est... Pourquoi? Ouais, je sais pas, pourquoi pas. Pourquoi pas? Je sais pas, il me manquait... Moi, il me manquait quelques pages, je sais pas. Non, moi, c'est... ouais, je comprends ton ressenti, mais pour le coup, je suis vraiment entré dedans. Je me suis laissé prendre, en fait, à l'égarement, justement. Je savais pas où ça allait. Au bout de 10 pages, j'avais compris que, visiblement, je comprendrais pas jusqu'au bout où ça allait. Mais ça me va, ça me convient. Mais encore une fois, ça m'a pas non plus déplu, mais c'est perturbant, quoi. Je m'attendais pas à un truc aussi déboussolant. Ouais. Mais vachement cool. Je recommande. Même si j'ai pas tout compris, je recommande. Parce que c'est un truc à lire quand même. C'est, pour le coup, ça ressort du lot, c'est assez atypique. Mais c'est pas le genre d'ouvrage qu'on a tous les mois, quoi. Après, on a une belle édition. Oui, le bouquin est très très beau. Alors, c'est un gros pavé, ça fait 260 pages, et comme on l'a dit, il y a pas mal de textes. Et avec une couverture un peu toilée. Ouais, bah, même le papier à l'intérieur est plutôt de bonne facture. Et ça coûte 22,50, pour le coup, je trouve ça vraiment hyper raisonnable. Ouais. Puis c'est Lémire, quoi, donc... Bah après, si on aime le style de Lémire, voilà. Ça vaut vraiment le coup. C'est bien que Lémire, soit on aime, soit on n'aime pas. 20 balles, ça les vaut largement. Voilà. Poison City. Voilà. Poison City. Royal City. Royal City. Poison City, c'est autre chose. Ouais. Oui. Donc ouais, moi je recommande. Mais je le lirai une deuxième fois, c'est sûr. Pareil, je recommande et j'ai peut-être mieux compris que lui. Je pense. Soit c'est, j'ai rien pigé, mais je recommande quand même. Hein. J'ai rien pigé, mais c'était bien. Non, parce que quand même, il y a un univers vachement intéressant et tout, mais voilà. Moi... Oh, ce livre, Mein Kampf, j'ai pas compris, mais je recommande. Hein. Oh merde. Faut toujours placer un petit Mein Kampf. À la fin, il meurt. Putain, on a... T'es sûr qu'on a récupéré le bon Nissam? C'est pas celui du monde parallèle, là? C'est pas gouré, quand même, avec l'échange, là. Messieurs, est-ce que vous avez fini avec AD After Death? Oui. Oui. Parce que du coup, il est temps pour Necro, Issam et moi de vous parler d'un manga beaucoup moins bien qu'AD After Death. Puisque nous allons aborder le cas Prison Lab, oh, putain, édité par Panini Manga. Passe un peu. Ah oui, ça y est. C'est juste, fallait que je me remette le contexte de l'histoire. Ah putain, pour toi, il n'est pas compliqué le contexte. Ouais, non, mais c'est le premier truc que j'ai lu, donc je me rappelle plus, tu vois. Écrit par toi, quand t'es face à la table des nouveautés, le premier truc qui t'attire, c'est Prison Lab, c'est ça l'idée? Non, c'est que je l'ai oublié. Écrit par Kantetsu et dessiné par Shio Minase, où l'on suit l'histoire de Aito Ewama, un jeune mec qui se fait bolosser à son école. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description? Oui, oui. Qui bah, se fait bien bully. Sa vie, c'est torture porn simulator. C'est ça, c'est-à-dire que. La première fois non, où on le voit. Sa vie, c'est torture porn simulator. La première fois où on le voit, t'as un mec qui lui fout la gueule dans les chiottes en mode bon, bah voilà, maintenant, tiens, t'as soif, bah voilà. Voilà de l'eau. Et il est couvert de son propre sang. Ah. Et Ça, pour le coup, c'est un thème. Enfin, le bullying à l'école, c'est un thème récurrent du manga et qui a parfois été extrêmement bien traité. Sauf que là, c'est un petit peu voyant. C'est-à-dire que là, je comprends même pas comment. Envie de replacer Life là. Là, je comprends même pas comment l'administration n'a pas calé qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau du mec. Pour le coup, j'ai encore envie de dire Lee Life, ça traite assez bien du thème. C'est l'administration le sait, mais s'en branle. Ah oui, non, mais c'est-à-dire que là, il y a personne même qui est au courant, quoi. C'est, oui. Ça, c'est un vrai problème de société au Japon, j'ai l'impression. C'est les gens soit ne s'en rendent pas compte parce qu'ils s'en foutent, soit s'en rendent compte et de toute façon s'en foutent toujours. Mais bref, de toute façon, c'est pas le sujet du manga. Non. Parce que le sujet du manga, malheureusement, ça aurait été donner quelque chose d'intéressant. Malheureusement, le sujet du manga, c'est après ça. L'une des nanas qui le torture à l'école se fait kidnapper. Lui, on l'amène dans un endroit et on lui dit bah voilà, tu vas pouvoir la torturer. Par contre, fais attention à pas la tuer, sinon tu vas payer 10 millions de dollars, je crois. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'elle découvre que c'est toi. Oui. Parce qu'il y a un jeu qui se met en place, il faut pas qu'elle découvre. Il faut pas que le torturé découvre qui est son tortureur. Parce que sinon, c'est au tortureur de payer. De payer de nouveau 10 millions de yens, plus tous les services supplémentaires que le torturé a pris, et sachant que même aller aux toilettes et manger, c'est des services supplémentaires. Voilà, qui se sont facturés par l'organisation qui organise toutes ces vengeances, en fait, on peut dire, parce que c'est tout simplement ça, quoi. Et on va pas tourner autour du pot, bah c'est pas très bien. Parce que le sujet aurait pu être intéressant, et au final, ça tourne vite en torture porn pourrie. Ouais. Voilà. En fait, ça aurait pu donner un saut, et au final, ça a donné un hostel. J'aime beaucoup. Et puis, alors, sinon, voilà, tout simplement. On est au premier tome, ça aurait pu être un one-shot. Oui, aussi. Franchement, l'histoire, elle est tellement étirée. Ça aurait pu être un one-shot. C'en est au tome 6, hein, au Japon. Pourtant, oh, oui. Vache, mais comment ils font, quoi. Et c'est en cours. Hein. Non, parce que là, je veux dire... là, il y en a trop qui a été dit dans le premier pour que ça aille jusqu'à loin. Pourquoi 6 tomes enfin... Bah, parce qu'un autre problème... Si les personnages connaissaient un changement de personnalité graduel, ça pourrait passer. Sauf que là, à un moment, il se passe un truc, et ça y est, l'autre, ça devient un gros déglingot en 3 secondes, quoi. Mais c'est pas possible. Enfin, ça me paraît pas crédible, personnellement. Disons qu'il manque un craquage. Parce que le mec ne craque pas, en plus, quand il se fait... Star Wars 3. quand il se fait défoncer la gueule comme ça, le mec, c'est limite, c'est normal, il se dit juste... Ah là là, j'ai vraiment passé une journée de merde. Heureusement, il y a les vacances. Je vais pouvoir profiter un petit peu pour souffler. Ouais, non, je veux dire, il n'est pas au craquage où il devient psychopathe. Non, c'est juste... Ah bah tiens, oh bah je vais le faire. Mais encore une fois, oui, ça aurait pu être intéressant parce que je pense que c'est le cas de beaucoup... Il y a beaucoup d'élèves torturés. Oui. Mais il aurait fallu traiter le thème après, voilà. Traiter de son évolution. Le fait qu'il craque, c'est ça. Traiter du dilemme moral aussi, ouais. Que ça pose. C'est... Est-ce que je me venge? Est-ce que c'est moral de me venger? Oui, celui-là, il ne se pose pas tellement la question. Quoi. Oui. Non, et puis il se retrouve... en fait, il se met... Un truc qu'on n'a pas dit. Il se met lui-même dans cette situation-là. Donc... Ouais. Donc voilà, c'est pas très bien. Si, il se la pose la question, mais ça dure une soirée, et puis après, il se dit, ouais, c'est bon, c'est bouclé. Hein. Puis ça essaie d'installer des intrigues, des mystères autour de qui organise ce jeu, qui sont les autres participants, parce qu'il n'est pas tout seul à avoir quelqu'un à torturer, il y en a d'autres. Mais on s'en fout un peu, ça donne l'impression que c'est pas maîtrisé, en fait. C'est pas maîtrisé. Que les auteurs savent pas où ils vont. Et puis, je veux dire, les tensions, je veux dire... Il y a des tensions à la con qui sont rajoutées, notamment par exemple autour de. Qu'est-ce que t'as vu? Autour de au doigt arraché. Ouais. C'est le passage où le personnage vrille. Bon. Mais voilà, sur ce qui tourne autour de son nom, par exemple, c'est le fait qu'elles doivent passer à son nom. Je veux dire, t'as un truc qui est rajouté là-dedans. Je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, pourquoi tout de suite, du coup? Pourquoi pas attendre troisième tome éventuellement? Non? Pas possible. Donc, ouais. C'est bidon. Voilà. C'est bidon. Bon. C'est bidon, le dessin est pas extraordinaire, l'édition est nulle à chier et ça coûte 9 euros. Voilà. Après, j'ai envie de dire, oui, l'avantage, c'est que Panini gâche pas une bonne série, du coup. Enfin bon. Au contraire des rôdeurs de Almi, on n'a rien à regraiser, là. Ah, mais là, 8,99€ pour une édition comme ça. Ouais, là, je l'aurais, je l'aurais pas mis à plus de 7€. Mais on le signale à chaque fois, hein, pour cette édition. Alors que Alex vomit en lisant. Ça va, tu vomis bien ? Il lui pète le doigt. C'est pas... Je crois que c'est la première fois que j'entends cette question-là. Ça va, tu vomis bien. Je pense que je n'ai jamais entendu cette phrase de toute ma vie. Qui c'est qui pète le doigt ? Ah, c'est parce que... Je pense que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir entendu et que vous, avez, vous l'avez entendu pour la première fois dans Casse sur table, du coup. Il pète son doigt. Non, mais c'est parce que t'as pas passé assez de soirées étudiantes. Bah oui, quand il lui casse le doigt après. Ah oui, je m'en rappelais plus. T'as jamais dû tenir les cheveux de quelqu'un au-dessus d'une cuvette. Bref, voilà la conclusion de ce truc-là. T'as jamais dû tenir les cheveux de quelqu'un au-dessus d'une cuvette. Je pense que ça résume bien notre ressenti. Et tu vomis bien. Ouais. Enfin voilà, t'es... Prison Lab, un titre qu'on ne vous conseille pas du tout. Loin de là, même. Et du coup, on va directement enchaîner. On va pas s'attarder sur celui-là. C'est Issam et Alex qui vont reprendre la parole, uniquement eux deux, une fois de plus, pour nous parler de Artiste, édité par Glénat Manga. C'est un manga tiré du film où il y a le mec qui parle pas. Et... Donc on a au scénario et au dessin Taro Samoyed. T'as vu comment il prend son air sérieux après ta blague ? Ouais. J'ai même pas écouté. T'as bien fait. Alors Artiste, on va suivre le quotidien d'un commis de cuisine qui s'appelle Gilbert. Parce que tout se passe à Paris, évidemment, c'est de la cuisine, donc c'est parisien, donc Gilbert. Et donc on rajoutera un petit air d'accordéon en fond sonore. Et donc on a des noms bien franchouillards, voilà, que même aujourd'hui on n'emploie plus. Il faudra qu'ils apprennent un jour au Japon que nous, en France, on n'a pas des œufs blancs. On n'en a presque jamais. On n'a pas des beaux légumes comme ça, en fait, généralement. Ouais. Bref, ouais, voilà quoi, c'est... Et donc, Gilbert, il est cantonné à la vaisselle parce que c'est non, pas un bon... Non, il est français, Gilbert, il est pas cantonné. Oh là là ! Oh la vache ! Oh la vache ! Pas mal, pas mal. J'ai même pas vu arriver celle-là. Tu gagnes 2 points. Ah putain, elle est tellement arrivée vite, celle-là. Tiens, je t'offre une image. Ça fait plaisir. C'est un koala. Donc Gilbert, ouais, il travaille dans un grand resto parisien assez renommé, avec un chef assez dur au début du récit, qui gueule sur tout le monde, etc. C'est un vieux, quoi. C'est typiquement le stéréotype du vieux cuisinier qui sait tout et qui gueule sur tout le monde. Bah, c'est un peu comme le vieux maître dans les shonen, quoi. Eh, pas mal. Et donc Gilbert, voilà, il fait sa petite vaisselle tous les jours. On me demande, j'exécute. Tu le dis, hein. Non, mais tu veux qu'on regarde. Laisse un peu le volume, mais garde. Ouais, parce que là, c'est voilà. Trop fort. Et là, il y a un mime. Non, je déconne. Bon, voilà. Et en gros, un jour, il y a un nouveau commis qui va faire son entrée, qui s'appelle... Concentre-toi. Tu peux y arriver. De toute façon, on s'en fiche du nouveau comic. Ouais, bon, c'est voilà. Donc, il y a un nouveau comic qui va arriver et qui va découvrir qu'en fait, Gilbert, c'est un peu plus qu'un mec qui récure des assiettes. C'est quand même un grand cuisinier, mais qu'il a été mis là parce que... Barba, papa, marron chaud, achetez mes marrons chauds. Putain, en plus, il y a la vidéo. Viande de chat, vin chaud. T'as pas envie de notiser. Bon, voilà. Et puis, en fait, il va se rendre compte que Gilbert, Non, faudra la refaire parce que j'arrive pas. C'est un grand cuisinier, c'est ouais, ça. Ouais, non, mais j'arrive pas à résumer ces trucs de merde. En fait, Gilbert, bon. C'est Cyril Lignac. Mais ouais, c'est Lignac qui fait la vaisselle parce que... Cuisine, mais on se rend compte que c'est un super grand cuisinier. Un demi pour la table 12. Bah, en fait, on se rend compte qu'il a un odorat super développé et que... Ouais, c'est enfin, ça peut être vraiment... même un goût super développé. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un génie culinaire, mais qu'il a été mis à l'écart parce qu'il fait que des conneries. Il est pas assez sûr de lui, donc il casse des assiettes, rate des plats, etc. Il est un peu loser sur les bords. Mais on va l'envoyer du coup dans un grand restaurant pour qu'il puisse faire carrière et devenir le petit chef. Ouais. Ouais, parce que du coup, il est repéré après par un autre grand chef parisien. Ça fait du bien que ça s'arrête. Cette vidéo a quand même 3 pouces rouges. Ah. Enfin voilà, au vu de la difficulté que j'ai à résumer, ça montre déjà que le manga est un peu aux œufs sur les bords. C'est à cause de l'accordéon, ça. Ça va pas aider. Et donc, ça, c'est la genèse des restaurants, les frères allemands, c'est ça ? C'est... Non, mais le problème, en fait, c'est Impact, c'est Impact, c'est Osef. Je pense pour quelqu'un qui s'intéresse à cette histoire comme ça, un peu de cuisine, c'est plutôt pas mal parce que la narration est bien, ouais. Les personnages sont sympas. Niveau dessin, c'est pas moche. C'est juste que moi, le thème, j'en ai rien à battre. Ah, c'est même plutôt joli niveau dessin. Ah oui, oui. Mais j'en ai tellement rien à faire du thème que voilà. C'est... En fait, pour moi, j'aime bien. C'est juste que c'est tellement plat que j'arrive même pas à résumer. Donc, je me rends compte que vraiment, pour moi, c'était même Osef, en fait. Oh, des immeubles haussmanniens. Ah bah alors, la vision de Paris par les Japonais. Par contre, là, on est dans le Paris ultra romantique oui. De film hollywoodien. Hein, c'est... Pas tout le monde vit dans les immeubles haussmanniens, c'est très bien. Il n'y a pas de banlieue. Il n'y a qu'un centre-ville. Il y a un moment où ça te dit que les étudiants n'ont pas montagnes. De mal à se payer leur logement à Paris. Voilà. Bon. Bah, c'est difficile quand il n'y a que des immeubles de grand luxe. Ça devient délicat. C'est à un moment où ils trouvent un truc sous les toits. T'as l'impression qu'il fait 60 mètres carrés en machin sous les toits. En fait. Ouais, ouais, en plus, il l'a pour une bouchée de pain parce que la mamie, elle est sympa. Alors qu'on rappelle le prix du mètre carré d'un comble à Paris. Hein. C'est un peu idyllique, quoi. Un peu. Ah, juste un peu. Ouais, voilà, si vous aimez les trucs, les histoires de cuisine, si vous, c'est un thème qui vous intéresse, c'est pas un mauvais manga, loin de là. Faut pas s'attendre à un Food Wars, ça c'est sûr. Oui, parce que du coup, c'est traité de quelle manière ? C'est de manière sérieuse ou manière comique ? C'est une tranche de vie, quoi. Enfin, ouais, donc c'est plus ou moins sérieux. C'est plat, oui. En fait. C'est plus ou moins sérieux, mais avec des petites tranches de comédie, mais pas. C'est oui, pas de la comédie qui se moque de la cuisine. La cuisine est traitée de manière sérieuse. Ah oui, non, mais c'est vraiment du tranche de vie. Hein. Bah, en gros, on arrive pile au moment de sa vie où il commence à avoir un déclic et à entrevoir une prise de confiance en lui, mais on en est qu'aux prémices, quoi. Concrètement. Donc ouais, c'est pas... C'est très oubliable. C'est vrai. Pour moi, c'est très oubliable. Je pense que ça fonctionne au coup de cœur, ce genre de récit. Ouais. Après, ce que je trouve bien, c'est que c'est assez atypique. On n'en rencontre pas tous les mois des sorties manga sur la cuisine. Chef Maigret. Ouais. Ils ne sont pas cassés la tête sur les noms. Hein. Bah, disons que Maigret, oui, c'est... Puis même les looks, hein. Enfin, les looks qui sont Maigret, très... Maigret, quand tu t'intéresses un petit peu à la politique française, tu sais que c'est pas un nom qui... Il est spécialisé dans le canard. Oui, j'allais la faire. Puis je veux dire, même le stéréotype des personnages, t'as le grand noir, t'as un petit chinois qui parle pas. Fin... Il y a la rame qui fait la plonge sinon... aussi. Non, mais voilà. Maigret, c'est aussi le commissaire, Maigret. Oui. Voilà. C'est l'homme politique. Bah là, est-ce qu'on peut appeler ça un homme politique? Bah, il l'était à un moment. Il l'a été. Voilà. Maintenant, je sais même pas ce qu'il fait. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est bateau, quoi. D'accord. Moi, je me suis un peu fait chier en le lisant, mais encore une fois, c'est plus une histoire d'intérêt personnel pour le thème. Mm. C'est comme le truc dont on va même pas parler, Vatican, dossier secret. Ah, le truc dont on va même pas parler. Voilà, c'est... Le truc totalement Osef que j'ai arrêté de lire au bout d'un chapitre et demi. Un truc que tu m'as dit de pas lire. Là. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on parlait de vision et de voir la Sainte Marie... Il y a des illusions, je vais aller casse-toi. Tu ne m'intéresses pas. Tes histoires de chrétiens, très peu pour moi. Oui, bonjour, vous êtes bien dans Casse sur Table. Vous ne vous êtes pas trompé de podcast. Bref, voilà. Bon, c'est pas. Oui, c'est pas fameux, quoi. C'est un bon résumé. Bref, voilà. Bon, bah, on va passer à autre chose. Hein. Désolé pour le résumé, hein. Je ferai mieux la prochaine fois. Bah, promis, la prochaine fois, je mettrai pas d'accordéon. Tu nous as offert un joli air d'accordéon, c'est comme ça. Et si on passait à un autre manga édité par Glénat, toujours. Il s'agit de Ayanashi. Moi, je veux bien, ouais. Bah, okay. Édité par Glénat, donc Ayanashi. Issam, nous t'écoutons. C'est un manga qui a été lu autour de la table par Issam, Necro et moi-même. Alors, Ayanashi, ça se passe dans des villes souterraines. Ouais, dans un futur, futur post-apo. C'est plus ou moins proche, on ne sait pas trop. Et c'est l'histoire de deux jeunes enfants, Sheila et son frère Thorin, qui trouvent un... Sheila. Ouais. Écu de chêne. Qui tombe sur un mystérieux jeune homme blessé un jour et donc qui le recueille pour le soigner, mais qui se rend vite compte que ce jeune homme en fait fait partie d'une d'une caste de plus ou moins honnie par la société, une caste de chasseurs de monstres, parce que le souci de cet univers, c'est qu'il y a des gros stromons qui veulent détruire la société. Des gros stromons. Et il y a des chasseurs de monstres qui existent dans l'univers, qui sont là pour s'en débarrasser. Les Ayanashi, c'est leur nom. C'est ça. J'avais oublié. C'est de dire le souvenir. Donc il y a les Ayanashi qui sont là pour s'en débarrasser, sauf que les Ayanashi sont donc bannis de la société humaine normale, parce qu'ils sont trop en contact avec ces monstres, ouais. C'est trop des destructeurs. C'est très bizarre. Je trouve que c'est très bizarre la raison pour laquelle les autres les repoussent, en fait. Juste parce que c'est des monstres, quoi. Non, tout ça parce que c'est des chasseurs de monstres, quoi. Ouais, mais qui ont des pouvoirs spéciaux. Ouais, c'est peut-être voilà, c'est aussi c'est la peur que eux soient en contact avec les monstres. Et... J'ai l'impression que c'est plus un gimmick qu'une vraie explication, des fois. Le fait justement qu'il y ait toujours ceux ils font ça, ceux-là ils font quelque chose d'assez spécial et tout, donc on les laisse et tout, on ne les approche pas. C'est un gimmick, des fois, il faut même plus se poser la question. Donc voilà, c'est bon. Dans le tome 1, il n'y a pas grand-chose d'autre de plus à en dire au niveau de l'histoire, de toute façon. Il pose beaucoup son intrigue. Si, il y a un personnage qui apparaît à un moment. Moi, ça fait longtemps que je l'ai lu, je te vois que les souvenirs sont fous. Il y a un personnage qui apparaît, qui vient d'en haut. Ah oui. Et qui, qui en dit le moins possible sur lui. Et il va y avoir une attaque de monstres un peu plus grosse. Jesus. C'est Jesus. Après voilà, j'ai trouvé ça sympa. C'est au début le graphisme me laissait un peu sceptique, mais finalement, ce que tu disais. Non, finalement c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup c'est le dessin. Sympa. Je trouve que le dessin dans les scènes d'action est très vif et rend plutôt bien. Ouais. Très sympa. Ouais, et notamment les décors troglodytes sont très sympas. Ouais. Par contre le début ça m'a fait penser au début de Gurren Lagann. Oui, parce que le fait que les gens vivent sous terre... Qu'il y a des gros monstres en haut, ouais. Qui pètent la gueule et tout, qu'il ne faut pas remonter à la surface... Moi, je sais que le manga, Issam, lui, a aimé Sympa sans plus, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ben, j'ai bien aimé. Par contre, c'est vrai que je me suis très peu attaché au personnage, plus à l'histoire qu'au personnage. À l'univers. Ouais. Alors, si pour le coup aux personnages, les personnages je les ai bien aimés, mais les personnages secondaires en fait. Pas les personnages principaux. Ouais. Les personnages secondaires ont plus intéressé. Les personnages des fois qu'on voit juste pendant trois pages quoi. Pendant un chapitre même. Moins intéressé. Alors ce qui est rigolo, oui, c'est avec en fait le premier chapitre, ça nous présente limite comme héros Sheila et son frère Thorin, et en fait on les revoit pas du tout par la suite. Donc je sais pas s'ils vont réapparaître. Ouais, parce qu'après c'est finalement l'autre mec là qu'ils ont récupéré, qui était blessé quoi. Je remarque qu'il y a pas beaucoup de décors quand même. Ah bah en même temps, c'est sympa, ça se lit bien. Par contre c'est après, mais c'est pas beaucoup de décors vers la fin. Ouais, parce que t'as l'extérieur après. D'accord. Mais voilà. Non, moi c'est une lecture vraiment qui l'univers m'intrigue, j'ai envie d'en savoir plus sur l'univers, sur la raison de l'apparition des monstres, sur cette espèce de brume bizarre qu'il y a à la surface. Bah justement c'est la brume, c'est expliqué dans FF9 et dans Stephen King. Il y a assez de trucs intéressants qui posent des mystères, mais je sais pas, ça m'a quand même pas tellement donné envie de lire la suite. Ouais. Moi tu vois ça suffit à m'intriguer pour aller voir le tome 2 quand il sortira. Mais je t'emmerde! Tu t'en fous pas beaucoup. On va enchaîner directement, parce que je pense qu'on va pas en dire plus sur Ayakashi. Puisque le tome 1 n'est pas suffisant pour en dire énormément, en fait. Ça pose vraiment les bases de l'univers. Sortir deux tomes, ça joue peut-être. Ouais, mais le souci, c'est qu'il y a que 4 tomes, si je me trompe pas, sortis au Japon. Enfin, il y a pas beaucoup de tomes de sortie là-bas. Ah oui, donc faut qu'ils fassent durer les sorties, quoi. C'est exactement ça. Ouais. On va passer directement, on va retourner à l'univers comics, avec un comics édité par Snorgleu. Étant donné qu'autour de cette table, il n'y a que Issam qui va réellement le défendre, je propose qu'on lui laisse la parole pour nous faire le résumé de Insect, sinon on écrit fait à sa place, mais et il sera dessiné pas... par... Alors, Insect, écrit par Marguerite Bennett et dessiné par Ariella Cristantina et coloré par Brian Valenza. Marguerite Bennett qui nous avait déjà offert Animosity, qui lui était très bien. Ça se passe dans l'Angleterre victorienne, donc l'Angleterre de la fin du 19e siècle. Ça suit deux jeunes femmes, donc une noble et ça va être compliqué là si tu commences comme ça. Une noble et sa servante. Tu veux que je mette de l'accordéon? Ooh, you touch my pralala. Donc une noble et sa servante dont on découvre assez rapidement qu'elles sont en couple. Pour parler de couple, ouais, elle est beaucoup. Donc, oh, on découvre rapidement que les deux sont en couple de, enfin, et doivent dissimuler leur liaison, évidemment, parce que ce serait assez mal vu. Ça dure pas très longtemps. Et oui, ça dure pas très longtemps parce que assez rapidement, on découvre aussi que les deux sont pas complètement humaines en fait. Ah, une des deux. Au début. Ouais, ouais, en fait, on arrive au bon, premier chapitre, l'autre. Ouais, elle se retrouve un peu contaminée. Aussi, c'est voilà, l'autre se retrouve contaminée. Si elles sont à moitié insectes, d'où le titre. Parce qu'en fait, t'as insectes et sexe. Ah, il y a un jeu sexe. De mots. Et ouais. Ah. C'est subtil, hein. Ou pas. Et finalement, en fait, grâce à ces nouveaux pouvoirs d'insectes qui leur permet de, bah, d'avoir beaucoup plus de puissance, qui leur permet aussi de contaminer les autres, de développer leur race en contaminant les autres, puisqu'elles peuvent mettre... Développer leur race. Ouais, c'est plus ou moins ça, en fait. Bah, on n'en voit qu'une... C'est on n'en voit qu'une des deux le faire, non? Bah, l'autre, on ne la voit jamais faire ça. En fait, à la base, la servante met le cocon dans la bouche de son amante, oui. Qui après va le mettre dans son mari, oui. Pour que ce soit dans le mari que ça finisse de se développer au moment de l'accouchement, parce que c'est... en fait, au moment de l'accouchement, les machins explosent la cage thoracique. Enfin, à l'alien. Voilà ce qui fait d'elle un facehugger et violent, de l'œuf un chestbuster. Ouais, voilà. C'est ça. Un cheeseburger. Cheeseburger. Ouais, aussi ça marche aussi, ça déchire bien l'estomac des fois. Et donc ces deux femmes avec leur pouvoir vont commencer à. Enfin, vont être mises face à plusieurs mystères au cœur de Londres, à plusieurs créatures étranges au cœur de Londres. Des loups-garous. Sachant qu'il y a aussi toute une idée de vengeance un peu de la femme sur une société. Patriarcale. Très, très machiste et patriarcale, voilà. Oui, ça je suis d'accord. C'est donc est-ce que le résumé c'est dur de résumer en fait. Oui, parce que c'est tellement le bordel, c'est tellement nawak. Voilà, c'est le bordel, c'est-à-dire ça part un peu dans tous les sens, l'intrigue est très elliptique. Ça part un peu trop dans tous les sens, ça m'en trop elliptique. Mais pour moi, ça fait partie des qualités de l'œuvre parce que en fait, ça, pour moi, ça symbolise bien le fait que les personnages, enfin surtout la personnage principale, l'ancienne noble, enfin la noble. Soit dans une phase de transformation, dans une phase de découverte et de doute. C'est-à-dire, elle ne comprend pas tout ce qui lui arrive, et pour moi, du coup, c'est assez cohérent que le lecteur non plus ne comprenne pas tout. Mmh, bien sûr. non, mais je pense que ça fait partie du sentiment personnel de chaque lecteur, à mon avis, c'était interprété comme ça, mais... C'est le tome 1. Pour moi, je ne l'interprète pas du tout comme ça, je pense que c'est un scénario trop décousu, et même, pour moi aussi. Même graphiquement, je trouve ça décousu, enfin inégal. Si, c'est vachement inégal, il y a quand même des pages qui sont en deçà de tout le reste. Ah, il y a des pages qui sont pas belles, ça c'est vrai, mais globalement, je trouve ça très joli. Mais je trouve qu'il y en a trop en fait en deçà. Par contre, c'est vraiment dommage. Il y a un truc qui m'avait épaté, c'est qu'en fait, la couverture est tirée d'affiches qu'on retrouvait au... Bah, c'est le style Moucha, quoi. Bah oui. Mais sauf que c'est un style de Paris. C'est un style parisien. Et je veux dire, ça aurait tellement pu se passer à Paris à la place de Londres, dans la même période. Parce que c'était exactement les mêmes travers et les mêmes sociétés. Mmh. J'ai pas compris pourquoi Londres. Bah parce qu'après, tu peux pas introduire le mystère autour de Jack l'Éventreur à Paris. Oui, mais on a d'autres tueurs en France. Oui, mais est-ce qu'ils sont aussi marquants que Jack l'Éventreur l'a été à Londres? Ça aurait été à Paris, on aurait pu se dire pourquoi Paris et pas Londres. Bah, c'est con comme remarque. Oui, non, c'est pas... Ouais, c'est par rapport à la couverture. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi Bouton Cosse? Oui, mais je pense que la couverture, c'est une décision qui a été prise a posteriori. Oui, voilà, mais je veux dire, c'est... Avant de faire la couverture. Oh, il a déjà posté. C'est comme si t'as une tour Eiffel sur la couverture et que ça se passe à New York, tu vois, c'est un peu... Non, mais moi, j'ai vraiment bien aimé. J'adore cet argument. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé. Non, mais voilà, c'est moi, pour beau, le coup... Je trouve ça intéressant, Pour le coup, la narration, je la trouve vraiment trop brouillonne. Ouais, et je pense pas que ça soit un style, je pense vraiment que... C'est un souci de cohérence. Alors peut-être que tout n'est pas volontaire dans le côté brouillon de la narration, mais je trouve que globalement ça marche en fait. Moi je trouve que ça va trop vite. Trop vite. Genre au premier chapitre elle devient une insecte, enfin comment on peut appeler ça, bref. Ouais, et le chapitre 2 elle est déjà en train de chasser et tout. Ce qui m'a fait chier c'est le manque de transition. Il y a pas de. Oui, voilà, t'as l'impression qu'il y a pas de transformation morale. Ouais. que c'est... Ah bah attends, je suis un insecte. Oh, c'est cool. Bon, bah, tiens, je vais tuer quelqu'un. Oui, mais enfin, c'est montré qu'elle contrôle pas, que c'est des instincts d'insecte. Oui, mais à côté de ça, t'as très peu l'impression qu'il y a très peu d'implication morale et que rien n'est important. Rien n'est important. C'est-à-dire qu'en fait, il peut se passer le pire des crimes. Juste après, en gros, c'est on passe à autre chose. Mais même de... C'est ça, je suis moyennement d'accord. Pour ce... elle s'éloigne justement moralement de l'humanité, mais je trouve que elle le dit à plusieurs reprises qu'elle sait qu'elle devient un monstre. Oui, c'est pas ça. Je parle aussi du monde autour. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mec qui disparaît, qui est blindé de pognon à ce point-là, qui fait partie de la haute. Il y a un moment où ça devrait commencer à enquêter autour. Il y en a plusieurs qui... ça a enquêté. Ça implique pas tant que ça. C'est-à-dire, en gros, elles ont champ libre, en quelque sorte, pendant un bon petit bout du truc, sans que ça les inquiète plus que ça. Il n'y a pas trop cette idée de peur qui pourrait les submerger d'être découverte. C'est pas assez marqué. Ouais, je sais pas, ça n'a pas dérangé, pour le coup. Mais même dès le début, il y a des choses bizarres. Ça l'a pas choqué du tout que sa servante lui vomisse un cocon comme ça dans la bouche. Oui, il n'y a pas d'effet de... Ça n'a pas non plus choqué le mari quand elle, qui est contaminée, lui vomit aussi l'œuf dans la bouche. Si, pour le coup, le mari... Bah non, il est juste un peu estomaqué parce qu'ils arrêtent de faire l'amour et puis bah il est là, ok. C'est-à-dire qu'il pourrait tenter de tourner la tête, tu vois. Ah, puis il pourrait se dire qu'est-ce qu'elle vient de me faire, enfin... C'est bizarre, je trouve. Oui, effectivement, non, il n'est pas choqué. Ou essayer de lui recracher à la gueule. Ouais, je dis peut-être que ça fait partie de l'enjeu sexuel, j'en sais rien, moi, je suis pas à la place d'un homme. Non, parce qu'ils sont au lit. Regarde, il fait bon bah, Osef. Okay. Il dit rien. Ellipse de ouf, le lendemain, il dégueule. C'est un peu bizarre. Donc oui. En fait, c'est à partir de ce moment-là, Issam, que je suis parti sur et le. Et après, rien les mecs d'Alien. Issam, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit rien n'a d'importance. Il peut se passer n'importe quoi, c'est Osef. Donc ouais, c'est... Voilà. Parlons des choses qui font que Issam a adoré ce bouquin. Les scènes de sexe sont superbes. Non, par contre, elles sont très très bien dessinées. Ouais. Et elles sont pas dessinées de manière vulgaire. C'est pas vulgos. Oui, c'est pas vulgos. Par contre, très bien dessiné. Je suis pas très très d'accord, regarde. Juste après... Ah, le bras quand même, enfin... Tu vois, il y a des pages comme ça gâche tout, je trouve. Ouais. C'est vraiment... Autant sur les couvertures de chaque chapitre, c'est génial. Je trouve que dans le chapitre en lui-même, après, c'est trop inégal. Non, en fait, par contre, ce qui est très cool, c'est le découpage, très souvent. Ouais, le découpage est bien, par contre. Ouais. Le découpage et la mise en page. C'est ça, la mise en scène des planches. Bah, celle où il y a un gros combat, à un moment, avec le... Alors, je dis le loup-garou, mais on sait pas trop vraiment si c'est un loup-garou. C'est un lupus. Un lycan. Mais bon... Celle-là, par contre, est jolie. Ouais, celle-là, elle est bien faite, ça va. Mais après, oui, je vois les soucis que tu parles, voilà. Cette planche-là, elle... Bah, un peu, moi, quand j'ai les soucis, cool, effectivement, avec certaines proportions dans les... Bah oui, moi, graphiquement, ça m'a vraiment sorti. C'est plus ça qui m'a choqué que le scénar. Parce que le scénar, encore, je peux comprendre l'idée d'Issam, etc. Ouais, ok, mais graphiquement, c'est ce qui m'a le plus choqué, en fait. Tu comprends Issam, toi? Bien sûr. Tu me donneras le mode d'emploi, hein. J'ai l'impression que peut-être, je veux dire une connerie, toutes les 5 ou 6 pages, il y a un souci de proportion, mais pour moi, ça me sort du truc. C'est rédhibitoire. Ouais. Alors que moi, j'essaye de tout faire pour plus être gêné par ça, parce qu'à chaque fois, moi, ça me sort complètement des trucs. Donc, après, j'ai conscience que ça fait le mec un peu péteux, mais parce que j'en ferai même pas un dixième de ce qu'il a fait, l'artiste. Ou elle, je sais plus. Non, c'est elle. Mais ouais, enfin, je trouve que c'est trop en deçà, en fait. Après, oui, c'est pas parce que tu n'es pas artiste toi-même que tu n'as pas le droit de critiquer. Oui. Tu sais, je sais pas faire de pizza, pourtant ça me permet de reconnaître une pizza dégueulasse d'une pizza normale. Tu vois, c'est parce que je sais pas le faire. J'adore les bons... Les bons exemples. Les bons parallèles alimentaires. Non, mais c'est juste sur le fait que c'est pas parce qu'on sait pas faire quelque chose qu'on peut pas critiquer, quoi. C'est... Non, mais je voudrais pas non plus passer pour un péteux, quoi. Oui, parce que ta métaphore, c'était pas pour dire qu'elles sont comme des pizzas, elles ont des champignons. Ouais. Ça. Quoi ? Oh mon dieu ! Non, elles sont des insectes. Ah. Par contre, un truc qu'on a oublié de préciser, peut-être, c'est que la présence de scènes de sexe récurrentes n'est pas gratuite, entre guillemets. Ouais, c'est un rapport avec leur pouvoir, justement. Ça fait partie du leur. Ça les décuple et ça aussi les éveille au début, justement, parce que c'est une nouvelle... nouvelle utilisatrice de ses pouvoirs, donc elle a besoin de ça pour se réveiller, etc. Oui. Après, par contre, le lore peut être intéressant. Oui. Le développement de l'univers et tout. Mais ça veut aller trop vite, à mon sens. Ouais, moi aussi. À mon sens, ça veut aller trop vite. Après, on verra. On verra la suite, mais je pense que, en fait, il y a beaucoup des trucs, des trous de ce tome 1 qui vont être résolus par la suite. Bah, j'espère, en tout cas. Par contre, moi, vraiment, je recommande. Un truc que je me suis dit en lisant ce truc-là, c'est que ça aurait été une parfaite histoire dans les contes de la crypte. Non, c'est... Vous avez vu les contes de la crypte? Mais pour le coup, je l'imagine pas du tout dans les contes. Oui, c'est pour ça que je comprends pas trop. Bah, une invasion par des femmes qui sortent ensemble, qui sont à moitié insectes, si, ce serait parfaitement passé dans les contes de la crypte. Peut-être. Ça fera un bon Stephen King. Oh non. Là, Stephen King là-dessus, il nous fera un navet. Je ne sais pas. Je connais pas Stephen King personnellement. Vous voulez que je l'appelle? Non. Donc, Issa me recommande beaucoup. Après, j'irai pas jusque dire que c'est des recommandations pour nous. Enfin, moi, c'est. Moi, c'est pas ma cam. Je leur décommande pas, mais je préfère attendre le tome 2 pour avoir un véritable avis, quoi. J'ai pas passé un mauvais moment en le lisant, mais j'ai pas non plus kiffé, quoi. Moi, j'irai pas lire le tome 2. Ah, toi, carrément, le tome 2, tu zappes. Le tome 2, je zappe aussi. Enfin, je serai le seul à lire le tome 2 pas, avec Issa, mais lui, il le lira volontairement, quoi. Peut-être que je le lirai quand même, mais franchement, ça m'intéresse pas. Voilà. De toute façon, ça fait un moment que les auditeurs ont compris qu'il n'y a que mon avis qui fait écouter dans ce podcast. Oh la vache. Eh bien, écoute, on leur demandera. Non, bon, ceux-là, ceux qui disent de ne pas lire ça, c'est deux types qui ont eu Fire Punch. Donc bon. Mais je suis sûr que plus tard, ils feraient des émissions pourquoi j'ai tort et pourquoi j'ai tort et vous avez raison. Non, c'est l'inverse. Il se rappellera, il se dira en fait. Non, mais justement. Tu dis faire l'émission inverse. Et il comprend même pas l'humour. Oh la vache, Issam. Je comprends l'humour quand il est bon. Ah bah, pas comme une sexe alors. Non. Est-ce qu'on passerait pas au 9e titre de notre sélection du mois, messieurs? Tout à fait. C'est Ikari Man, donc ça va, c'est pas honteux, quoi. Ouais, non, c'est pas honteux. Non, c'est bon. Ikari Man, ou l'histoire d'un mec qui découvre qu'il a des pouvoirs liés à l'électricité. Voilà. Franchement, le pitch, c'est typiquement ça. Attends, c'est que ça, le pitch. Au scénar, au dessin, nous avons Hideo Yamamoto. Enfin, Hideo Kojima. Hideo Kojima, ouais. Mais en plus, on aurait pu faire un truc de Hideo Kojima. Hein. Et c'est édité par Delcourt Tonkam. On est trois à l'avoir lu. Hideo Yamamoto, assisté de 156 personnes. Hein. Oui, enfin bon. La liste des assistants est monumentale. Oui, enfin bon, attends, bouge pas. C'est quoi? Ah, Yamahiro. Ah non, ça va. Et j'en ai d'autres en tête. Il y a celui qui s'occupe de noircir les cases, celui qui fait les particules, celui qui fait les lettres, il y a celui qui... Comment ça se fait qu'il y a autant d'assistants là-dessus? Je sais pas, après. Bah, après, t'as les assistants dessinateurs, des fois, qui finissent les dessins. Là, on est sur 36 assistants, quand même. Fait le dessin global, en gros, une sorte de... Ouais, mais regarde, ils sont une vingtaine. Mais après, si c'est aussi... Tu le répartis comment? Après, si c'est aussi... 36 Après, si c'est aussi du travail via de la photo, il y a bien les gens qui vont prendre les photos, il faut aussi les créditer. Ouais, d'accord. Tu vois? Mais tu vois, par exemple, Akari Toriyama ne noircissait pas ses cases. C'était les assistants qui s'en occupaient. Il faisait juste son trait vite fait, et puis l'assistant lui s'occupait de noircir, de refaire tout par-dessus. C'est bon, j'ai lu Bakuman, je sais. je connais. Il est con. Donc on est trois autour de la table à l'avoir lu, Issam, Alex et moi-même. Oui. Bah donc voilà, c'est l'histoire d'un Hikikomori qui, un jour, il est dans sa chambre, il tombe sur une puce de PC, et ça lui fout les pouvoirs électriques dans la gueule. Et du coup, il l'utilise pour se balader dans la ville. Ça donne des chouettes scènes, ça, par contre. Le fait qu'il se balade sur les fils électriques à travers la ville. Ouais. Et voilà. C'est clairement une origin story en un seul unique tome. Et bah, du coup, bah, ça raconte pas grand-chose. Donc, on va plutôt attendre le tome 2 pour pouvoir en parler vraiment. Parce que le tome 1 se suffit pas à lui-même, clairement. Donc, c'est un remake de Jack 2.0, c'est ça? Moi, c'est ça. Le tome 2, j'en avais rien à branler. Ouais, moi, pareil. Alors que ça se lit super rapidement, j'en avais quand même marre. Alors que ça se lit super rapidement, je l'avais quand même marre. Issam 2018. Ouais, moi, personnellement, le style graphique, j'accroche pas. C'est pas mon truc. Bah, c'est du travail à la Gantz, quoi. Ouais, c'est ça. C'est du travail sur de la photo. J'aime pas ça. Donc, il y a des. Mais c'est personnel, quoi. Il y a des passages vraiment moches, quoi. Ouais. Mais il y a des zooms en fait sur les visages, parfois c'est des zooms déformés là. Ouais. En fait, les décors sont très bien et les scènes électriques sont très bien. Ouais, ça rend plutôt c'est bien. Effectivement, ouais. les visages qui sont bizarres. Mais même les scènes d'action, parfois c'est pas tout. Ah ouais, c'est l'assistant numéro 5 là qui a merdé. Non, mais c'est... Ouais. Carrément, j'irai lire le tome 2, mais ça sera tout. Wow, il y a des chances que ça s'arrête là. En même temps, on met 10 minutes à lire un tome. Donc oui, tu peux... Voilà, c'est ça. Mais c'est l'oséfitude incarnée. Le mec, il fait son blasé, alors. Juste après, juste pour se venger de ce qu'on a fait à Insex, quoi. Bah, je trouve que les persos, ils ont même pas d'émotion à cause de ce style graphique. C'est... J'aime pas. J'aime vraiment pas. Bah, il leur manquait 3 assistants pour faire une... Oh la vache. Ils avaient pas le budget. Toi, tu t'occupes des émotions des yeux, toi, tu t'occupes des émotions de la bouche, toi, tu t'occupes de l'animation corporelle. Mais ouais, je serais curieux de savoir ce qu'ils ont fait, les 36 assistants. Là. Ouais. Mais je pense qu'on va pas s'attarder. Mon dieu, ça valait le coup d'en parler. À la Akira Toriyama, c'est le mec qui s'occupe du truc du manga, c'est lui qui dépose juste une ligne sur la table en disant démerdez-vous avec ça pour le chapitre. Après, j'ai tracé mon trait, allez, c'est bon. C'est Delcourt Tonka, mais il y a aucune scène avec une gamine de 11 ans à poil. Donc, ah oui, on a dit qu'on arrêtait d'en parler de cela. Hein. Oui. Voilà, on va s'arrêter là pour Ikariman, malheureusement pour lui. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas un coup de cœur, voilà. C'est du coup la suite, c'est. Ah, il veut vraiment enchaîner vite, lui. Il en a marre d'être ici. Bah, il n'y a pas grand chose à dire. Bah, la suite, ça risque d'être pareil, puisque c'est Oblivion Song, édité par Delcourt, écrit par Kirkman, l'auteur de Walking Dead. Donc, et c'est dessiné par qui? Lorenzo De Felici, et je pense qu'Annalisa Leoni doit être aux couleurs, ancrage, assistant. Qui eux deux en soi font pas trop couleur, un mauvais boulot. Couleur, la couleur, voilà. Couleur. Qui eux deux en soi font pas trop un mauvais boulot, surtout elle à la colo. La couleur est plutôt chouette, je trouve. Ouais. Oh, même le dessin est cool. Oh, c'est propre, mais c'est quand même pas fou. Ouais, c'est banal, quoi. Ouais, c'est bien, quoi, c'est correct. Et puis pour le coup, on est loin des jolies planches bien découpées de Insect. Alors... Par exemple, parce que là, c'est... Bah, c'est très conventionnel. C'est du quadrillage, quoi. C'est ça. Alors, je t'avais proposé, parce que tout à l'heure, c'était moi qui avais fait la description de l'autre, oui. C'était au cas où. Tu veux t'en occuper là... Ouais, je peux le faire, ouais, ouais. Si tu veux, ouais. Donc, on part sur un postulat, en fait, de catastrophe naturelle à l'échelle d'une ville, il me semble. On n'est pas sur le monde entier. Catastrophe surnaturelle, plutôt, même. Ouais. Ouais, qui, en fait, on saura par la suite comment c'est arrivé. Je trouve que c'est un point notable, quand même... C'est bien qu'on nous l'explique dès le tome 1, tu vois. Ça ne fait pas le fil rouge pendant 10 tomes. Et en plus, on comprend, quoi. Et donc, on va suivre un espèce de chasseur de... Pas chasseur de primes, mais presque. Qui va se balader, en fait, entre deux mondes parallèles, donc le nôtre, et puis un autre qui est infesté de créatures toutes aussi bizarres les unes que les autres, à la recherche de survivants. Parce qu'on va comprendre que plusieurs personnes ont été transportées à leur insu dans ce monde parallèle. Que dire de plus? Bah, que du coup, dans notre monde à nous, il y a expérience pour pouvoir tous les ramener. Bah, il y a quand même un espèce de schisme parce qu'il y a le côté politique armé, voilà. qui veut pas trop continuer là-dessus, oui, parce qu'ils s'en foutent. Parce que non, c'est pas qu'ils s'en foutent, ça fait longtemps qu'on a ramené personne. Ouais, c'est donc ça. Ils se disent bah ça sert plus à rien. Sauf que lui, le protagoniste qu'on suit, en fait, il est à la recherche de son frère et il s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas retrouvé. Voilà. Et puis vu qu'il vient de retrouver des gens, il sait qu'il y a encore des gens à sauver, donc voilà. C'est sur ça qu'il essaye de jouer pour les ramener. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il a dans son arme, il a un truc qui permet dès qu'il injecte quelque chose à quelqu'un, ça le téléporte dans la vraie réalité. Ouais. D'ailleurs, il ne parle pas de téléportation, vraiment, c'est une sorte de synchronisation. C'est comme si les deux univers étaient superposés et qu'on était... Ah bah c'est pas comme si, c'est plutôt dit que c'est ça, quoi. Soit dit en passant, le machin, il est injecté via intraveineuse, mais ça téléporte quand même les fringues au passage, vachement logique. Ouais. C'est la magie. Magie. Alors ça y est, il est blasé, il en peut plus, là. Ah, d'accord. C'est très bien, mais c'est très bien. Allez, on avance. Je signale. C'est la transpiration des fringues qui font que c'est collé au... Bon, d'accord. Non, c'est parce qu'en fait, ils sont là depuis tellement longtemps que les fringues ont un peu fusionné avec eux, tu vois. Ah, c'est donc ça. Cronenberg, tout ça. Donc bon, bah Kirkman, il est reparti dans un truc encore post-apo. Enfin là, c'est un peu moins post-apo que Walking Dead, mais... Oui, là, c'est plus... J'ai l'impression qu'il sait faire que ça, en fait. Et puis là, c'est du post-apo science-fiction. Bah non, il sait pas faire que ça, Outcast. Et encore, il sait pas très bien le faire, en fait. C'est ça, le problème. Outcast, c'est pas du post-apo. Non, je sais pas, j'ai pas lu Outcast. Invincible, c'est pas du post-apo. Bah non, c'est... Mais Invincible, c'est pas Kirkman. Bah oui, si, c'est Kirkman. On parle pas de la même série, alors. Avec le gamin, qui a des super pouvoirs. C'est pas Kirkman, hein. C'est Matt, je sais plus comment, Otley. Matt Murdock. Kirkman, Matt Groening. Ça s'écrit comment ça? Robert, je crois, et ça se prononce comment? Kirkman, non? Mais ils ont changé. Bah voilà. Non, non, c'est lui du début à la fin. C'est l'effet Mandela. Ah non, Otley, ça doit être l'artiste après, peut-être. Là encore, c'est écrit Kirkman. Ça, c'est l'effet Mandela. Bon, bah d'accord, bah, j'ai rien dit. Bah pour le coup, Invincible, c'est bien. Bah oui. Bah Outcast aussi, c'est pas mauvais. Hein. Je sais pas, j'ai pas lu. Mais Invincible, c'est quand même un peu apocalyptique, quoi, parce que ça part dans les tours très vite, quoi. Ça part dans les tours. Sinon, donc, concernant les bestioles, ce ne serait pas une invasion, en fait. C'est juste une sorte de désynchronisation qui a fait que deux dimensions se sont retrouvées à se toucher. C'est même ce qu'un personnage dit, c'est plutôt nous qui les avons envahis. Voilà. Alors moi, ce qui est vachement intéressant par rapport à toute cette histoire de qui envahit qui, c'est que j'en avais rien à branler. Voilà, moi aussi. Voilà. Moi aussi. Ouais, bah, moi aussi, oui. C'est-à-dire, on se pose la question, mais on s'en branle si on n'a pas la réponse. Et moi, du coup, ça m'a fait penser à Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Oui, mais qui était mieux que ça. Voilà, qui était mieux. Où tu sais, où tu avais cette superposition, oui, aussi, oui. De... Non, mais je suis sûr que ça intéressera des gens, hein, mais... Pas moi. Bon, on a un peu fait le tour de celui-là. C'est un bien beau résumé, oui. Bah moi, après, par curiosité, peut-être que j'irai lire le 2, mais c'est vrai que ça m'a pas non plus marqué de ouf. Mais... Ouais, sinon, la personne qui a fait les couleurs a très bien géré. T'as le temps de le voir arriver, le tome. Ouais, ça dépasse pas. Ah, ils apprennent bien à l'école. Dans le principe où celui-là est même pas encore sorti aux US, t'as le temps de le voir venir, à mon avis. Non, mais même il y a beaucoup qu'on l'aura bien dans l'aura cette année. Il y a la couleur, oui, et c'est très bien géré. Oui, parce que du coup, ce qu'il faut qu'on dise, c'est que c'est une sortie française avant d'être une sortie américaine. Enfin, française, espagnole. Fin... Oui, parce que eux aux US, ils en sont encore au fascicule. Le tome n'est pas encore sorti en Europe. Là, ils en sont deux ou trois, je crois. Voilà, ils en sont encore au tout début. Deux ou trois, deuxième chapitre. Nous, on a lu tout le premier arc, alors qu'eux, ils en sont au troisième chapitre, ces cons-là. C'est ça. C'est triste. Ouais, mais non, au contraire, c'est plutôt cool. Non, mais c'est triste pour eux. Ah, c'est triste pour eux, ouais. Non, mais parce que pour l'instant, ils achètent sans se rendre compte que c'est pas terrible. Non, mais c'est bien parce qu'on pouvait spoiler, du coup. Pour une fois, pour une fois, c'est à nous. Alors, hein, tiens. Il y a plein de fois où on peut les spoiler. Pas grand chose à spoiler. Ouais, voilà. Voilà. Globalement. Ça me fait le même effet que Walking Dead. J'ai l'impression que le mec, avec le contenu d'un chapitre, il fait 3 tomes. Il y a un peu de ça. En fait, j'irai pas jusque-là, mais je dirais que en la moitié de la BD, on aurait pu concentrer toute l'histoire. Oui, bah. Et ça m'abuse en disant 3 tomes, mais en un chapitre, il te fait un tome. Voilà, c'est ça, surtout. Ouais. Un souci d'Ikariman aussi, d'ailleurs. C'est le tome, c'est le premier chapitre. C'est ça. Ah oui, Ikariman, ça, dans un comics mainstream, enfin chez DC ou chez Marvel, ça tient en 20 pages. Tout le tome d'Ikariman, c'est 20 pages. Même dans un bon shonen. Hein. Oui, aussi, oui. Je suis sûr dans un mauvais shonen. Il y a peut-être même des films de Marvel où ça tiendrait dans le générique. Hein. Peut-être. Tu sais, des fois, ils te mettent ça juste présentation dans le générique pour dire voilà, s'il a eu ça, il a eu les pouvoirs et tout, machin. C'est bon, on passe à autre chose. Voilà, maintenant, l'histoire. C'est DC qui a fait ça avec Batman versus Superman pour torcher la naissance de Batman. T'avais aussi Spider-Man avec Sam Raimi où il torchait un peu vite fait le truc dans le générique en disant allez hop c'est bon, c'est Spider-Man. Bon, tu donc. Se faire piquer quand même. Bah oui. Ah oui non c'était dans c'était le rappel dans le deuxième. Oui c'est dans le 2. Ah, dans oui, le 2 générique c'est le rappel. L'origine des pouvoirs. Voilà. Comme ça si t'as pas vu un. La team digression. Ouais. On est là, on est bon. Donc recommandation ou pas? Non. Non plus. Vivement, voilà, vivement la série spin-off avec Walking Dead. Non. Bah, vu qu'ils veulent faire tenir Walking Dead encore 50 ans, il va être temps. Hein. Oui, bah vu comment les audiences se cassent la gueule, je pense qu'ils vont vite faire machine arrière chez AMC. Chez AMC, hein. Parce que putain, les audiences, c'est la chute libre hein, en ce moment hein, sur Walking Dead. Bah, surtout si les épisodes, du coup, sont moins financés, parce que ça coûtait 2,5 millions un épisode quand même de Walking Dead avant. Donc s'ils ont moins d'audience, ils vont moins financer. Donc ça va être de plus en plus de la merde. Ah oui, vous les mettez là en 2,5 millions. Beaucoup d'investissements sur les décors et effets spéciaux au début, parce qu'il fallait tout mettre en place. Bah sur les, ouais, même sur le maquillage des zombies. Maquillage était génial. Ouais. L'animatronique du début aussi. Tu sais, la nana qui est. Il manque la moitié du corps là, qui est en train de ramper. Là. Ouais. Mais la dernière fois, ils me croyaient pas, mais si les zombies sont super bien faits dans Walking Dead. Ils ont toujours été bien faits dans Walking Dead. Ouais. Zombies. Oui, non, c'est l'un des seuls trucs qui a toujours réussi dans la série. Ça coûte pas 2,5 millions, hein, un bon maquillage. Ah ouais, mais quand t'en as beaucoup. Paquet, t'en as beaucoup à l'écran. Il y a des moments où, tu sais, quand tu vois une cinquantaine de zombies qui débarquent, déjà, tu te dis, oh, bien. Ils n'ont pas prévenu. C'est dans cette scène-là, je trouve que ça pêche un peu, parce que tu vois parfois des défauts hein, dans le maquillage. Bah, en fait, il y a un truc qui était bien. À l'arrache quand même. Bah, il y en a qui sont super bien faits. Ouais, ouais, je suis d'accord. Team digression. Bah, là où ils sont mieux faits, c'est justement dans les scènes où ils sont que deux ou trois, quoi. Et juste une dernière digression de mon côté. Dans Walking Dead, il y a un truc qui était intéressant, c'est le fait qu'ils ne fassent pas manger les zombies avec les acteurs, les autres acteurs. Ce qui fait que quand ils ont vu les zombies pour la première fois, ben, en fait, ils ont eu un peu le comportement genre « Oh, putain !» Hein. Là, tu te fais choper le bras par quelque chose, t'as jamais vu ce maquillage-là, t'as un petit moment de flip, quand même. Mais ils ont joué là-dessus, mais bon, c'est pas... voilà, maintenant, on s'en fout. Je regarde plus, moi. Walking Dead, je regarde plus, moi, de mon côté. Moi, je regarde quand je fais ma vaisselle. Voilà, c'est une mort au bruit de fond. Voilà, c'est ça. C'est d'un seul coup, t'entends « Ah, il y a machin qui est mort !» Oh non, non. Quand je suis à la vaisselle, oh. J'écoute des apéros du Capitaine, c'est plus constructif. Bah, moi, je les écoute quand je rentre du boulot. C'est tout aussi bien. Bon, est-ce qu'on en a fini avec Oblivion de Song ? C'était pas très bien. Bon, c'était beau, ça. La couverture, elle est presque jolie. Ouais. C'est tout. Vas-y, tu peux le poser là. En fait, dans Oblivion, bah, y a Oubli, et puis voilà. Ouais, on sent que c'est la fin du podcast et qu'il commence à perdre sa forme. Ah ouais, là, c'est... Ben... Ah, le petit, il est plus en forme comme au début. Hein. Bah, après tout ce qu'on a vu, dur de rester en forme. Hein. Bah allez, on va vous reparler d'un truc qui est bien. On peut dire que les deux hauts sur la couverture, c'est les deux mondes qui se superposent. Voilà. Bah ouais. Putain. Alors celle-là, je l'ai pas tiltée. Moi non plus. Je sais pas si c'est très important, mais... C'est pas très important, mais je viens de le tilter seulement. C'est le plus intelligent du comics. C'est les deux lettres. Putain, il est devenu mauvais depuis Insects. T'as vu ça? Oh merde. On lui a cassé son truc, là, ça y est. Alors pour la peine... On a encore deux œuvres à traiter, hein. J'espère que ça va aller. Pour la peine, venez, on fait genre, ça c'est de la merde. Ah ouais. Juste pour l'énerver. Donc là, je suis pas d'accord. Donc là, on va parler d'un truc qui est encore catastrophique. Hein. Donc non, là... On parle de ça d'abord. Ah bah, alors là, c'est encore pire. Moi, je suis le premier défenseur de ça. Vraiment. Allez. Non, non, attends, c'était une blague, on disait, c'était une blague. Laissons Oblivion de Song derrière nous. Et parlons de On the Frontier. On the Frontier. Édité par Kana et écrit et dessiné par Toru Izu. On est trois autour de la table à l'avoir lu, c'est-à-dire Necro, Issam et moi-même. On est face à un recueil de nouvelles. Toutes plutôt... C'est pas le truc communiste ou je sais pas quoi. Là. Hein quoi c'est pas celui-là. Si, à la fin, t'as Staline qui... Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. Donc, des nouvelles plus ou moins mélancoliques. Alors, pas communistes, mon cher Alex. Ah bon? Mais plutôt centrées beaucoup sur le travail ouvrier. Non, mais c'est vrai. D'accord. Et dont deux nouvelles aussi beaucoup centrées sur les... C'est la France en marche? Ah non, justement, je pense que la France en marche, n'est pas ce bouquin-là, est très centré sur les cheminots. Donc un bouquin plutôt d'actualité avec les temps qui courent. Putain, j'y ai même pas pensé en plus. Ah oui, bah, comment t'as fait pour t'y penser? Pour le coup, toutes les nouvelles sont liées entre elles. Finalement, même la, les personnages de la deuxième, les cheminots, on les retrouve dans la dernière. Ils se font une bouffe. Oui, mais quand tu suis les trois gamins, c'est pas trop centré sur ça. Oui, voire pas du tout. Je veux dire, toutes les nouvelles sont dans le même univers. Oui, par contre, tout est dans le même univers. Mais après, il y a des sujets, genre quand c'est trois gamins, ce sujet-là n'est pas du tout abordé. Oui. Il me semble que tous les trois, on a plutôt apprécié la lecture. Ouais. Clairement. Il y a des doigts de pied. Oui, mais celui-là... Alors, cette histoire-là sort du lot. Hein. Sort du lot. On suit un petit gars qui n'a que quatre doigts de pied. Voilà. Et du coup, qui se demande comment c'est d'en avoir cinq. Voilà. Et voilà. Et ça lui fait des fourmis à l'endroit où il devrait y en avoir un cinquième. Voilà, Et c'est un mec qui est fan de chaussures. Ouais. Pratique. C'est une histoire super. Et du coup, il se demande comment ça ferait aussi d'avoir 5 orteils en marchant avec des chaussures. Voilà. Alors, clairement, c'est pas la meilleure histoire du bouquin. Énorme. Mais c'est une petite histoire sympathique quand même. Bah ouais, j'ai trouvé ça marrant la façon où il chope le pied de son camarade de chambrée pour regarder. Ça. Ah, 5 orteils et tout. Il faisait des gros pas. Là, je serais le collègue, je m'inquiéterais un peu plus quand même. Genre, lâche mon pied. Moi, j'ai une couille, vous voulez voir ou pas? Merde. Pardon. Heureusement que t'en as pas trois, parce que là, ça deviendrait inquiétant. Bah, moi aussi, c'est normal, non? La vache. Bon, mais... on va peut-être pas revenir sur toutes les nouvelles que compte le bouquin. Non, mais je m'en fous. Il y a quoi, des trucs, par exemple, C'est très tranche de vie, super doux. Mais chacune a un thème différent. Chacune a un thème différent. C'est vraiment une histoire différente. Donc là, j'allais y venir. Justement, je veux ça. Moi, je veux écouter ça. C'est par exemple, la première, c'est une jeune femme qui tient absolument à travailler une sculpture à partir d'un rail et de boulons. Et qui s'y reprend à plusieurs fois pour essayer de faire son œuvre. Qui fait de la métallurgie, quoi. Et avec des personnes qui sont persuadées qu'elle n'y arrivera pas et d'autres qui la soutiennent. Et sinon, après, tu as aussi des histoires de gamins qui parcourent un peu la ville, qui vont se poser avec une fille qui considère que les garçons sont immatures, de s'amuser avec n'importe quelle connerie. Voilà, pas tort. Et qui petit à petit en vient à apprécier cette immaturité. C'est-à-dire qu'au début, elle écrit juste garçon égale immature, et après, elle écrit humain égale immature. Quoi. Elle se rend compte que, elle a aussi envie de s'éclater comme eux. Et il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, c'est plein de petites histoires comme ça que je trouve très sympa, très bien dessiné. Oui, c'est très beau. C'est très fin. L'édition est très correcte. Ça se mange. Oh là là. Et heureusement, parce qu'il y a quand même un certain coût, hein, cette œuvre. Comment ça ? Elle coûte cher, tu veux dire ? 15 euros. Ouais. Bah, disons que quand tu sais pas sur quoi tu te lances, surtout qu'il n'y a pas de quatrième de couverture, c'est un petit investissement quand même. Oui, il n'y a pas de voilà. Descriptif. Alors, ce qui est un peu intriguant, c'est qu'en fait, la majorité des histoires, à part la première avec l'artiste métallurgiste, qui est un peu déconnecté du reste, mais sinon les autres, semblent en fait appartenir à l'univers d'une série qu'a fait l'auteur, une série, je ne sais plus en combien de tomes, et qui pour le coup n'est pas du tout publiée en France. Donc en fait, c'est comme si on avait publié des spin-offs, mais pas le truc principal. Ça sortira après. C'est comme pour... Écoute, j'ai regardé, il n'y a aucune nouvelle. L'école de je sais pas quoi, là. Vous avez fait ça aussi. Mais même la première est liée, hein, c'était ce que je vérifiais. Oui, c'est la gamine. Oui, en fait, la nana qui fait de la sculpture, c'est la gamine. Oui, c'est bien ce que je pensais. Voilà, tout est lié, en fait. J'étais pas sûr à 100%. Si, c'est juste qu'en fait... et du coup, le bouquin est présenté avec des... Enfin, chronologiquement, ça se passe à plein d'époques différentes. Ouais, c'est un peu éclaté. C'est les mêmes personnages, mais c'est chronologiquement différent. Parce que là, la première histoire, là, c'est une jeune adulte, ensuite c'est une gamine. Et voilà. Ça se passe à plein de périodes de leur vie. Mais j'ai beaucoup apprécié ce personnage-là. Mais en fait, les personnages sont super sympas. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais bien que la série principale soit éditée pour avoir quelque chose de plus suivi et pas juste des espèces d'instantanés. Bah moi, j'aime beaucoup ce gamin-là. Parce que je trouve que son but dans la vie, il est super. Il a le but de faire le tour du monde sans jamais payer. De toujours frauder tous les transports qu'il prendra pour faire le tour du monde. Et je trouve ça extraordinaire comme vision. Parce que tu peux pas faire plus libertaire que ça, au final. Ouais. Faire le tour du monde gratuitement sans jamais rien payer. Voilà. Ça part Emmanuel Macron n'aimerait pas ce livre. Ça partirait de l'idée qu'effectivement, la liberté totale, c'est pouvoir aller partout dans le monde sans avoir de compte à rendre à personne. Mmh. Ouais. Mais ouais, donc comme c'est très. Mais donc oui, c'est. De la fin. Donc oui, c'est très mélancolique comme ambiance. Sauf celle où tu vois. Les conditions de travail, vraiment, des cheminots qui, pour le coup, là, est beaucoup plus dramatique. Ouais, pareil, elle a un ton assez mélancolique, malgré le fond dramatique. Non, mais dès le début, c'est tu vois la mort d'un des leurs, quoi. Et c'est pas une mort cool, quoi, quand tu tombes dans une cuve de ciment. Cuve de ciment et personne pour l'aider. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que la personne cool, elle va mourir, mais personne ne peut l'aider. Donc, de toute façon, elle va crever. C'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un qui est à 50 cm du bassin, il ne pourra pas l'aider. C'est trop tard. Quoi. Donc voilà. Allez, salut. Hein. Mais donc, oui, c'est vraiment très bien. Oui. Et du coup, pourquoi ça s'appelle On the Frontier? Parce que c'est au-delà des frontières. Hein. Le fait de vouloir partir et faire le tour du monde. C'est gratos. Pour certaines, c'est littéralement à la frontière, celle des cheminots, ils travaillent à une frontière, et pour d'autres, c'est plus métaphorique, voilà. La frontière de l'âge adulte, d'un voyage. Et c'est accessoirement le titre d'une des nouvelles du bouquin. Ok. C'est aussi ça. Voilà, voilà. Et t'as des petites annotations en dessous des pages titres des bouquins qui t'expliquent, alors cette nouvelle-là, je l'ai faite à ce moment-là, nanana. L'auteur te dit à quel moment il l'a fait. À chaque fois, il renvoie à son œuvre principale que nous, on n'a pas. C'est ça qui est un peu con, quoi. Ah, ça, c'est une référence à la page 4 de tel truc. Je ne l'ai pas lu. C'est pas au point de notre Ikari Club dont on avait parlé, qui est illisible sans l'œuvre principale. Oui, c'est mais ça, voilà, c'est dommage. quand même. Ça donne envie d'en savoir plus. Donc Pika, c'est ça? Non, Kana. Kana. Kana. Bah Kana. Pika, c'est vrai que c'était une trop, c'était une jolie édition, hein, j'ai pas fait gaffe. ouais, donc Kana, bah voilà, si vous pouviez sortir le reste de ce qu'a fait l'auteur maintenant. Voilà, cool. Ce serait bien Kana. Merci. Tu vois, Kana, il sort des beaux bouquins au moins. Ouais. Est-ce qu'il y a des pages couleurs? Non, mais je pense qu'il n'y en avait pas à l'origine, donc ça va. Mais j'imagine bien, on va déjà mettre le spin-off, comme ça, si ça marche, on mettra le vrai. Ah non, mais c'est vrai que c'est étrange, comme ça. Con. Moi, je trouve ça très logique. Alors que Fairy Tail, ah, ils quand... sortent tout, ils se posent même pas les questions. Est-ce que tu as vu les dernières nouvelles? Oui, il va sortir un spin-off qui est en fait la suite. Attends, non. Pardon, je crois que tu as mal compris. Il devait y avoir deux spin-offs. Oui, deux spin-offs. Fairy Tail. Oui. Encore ouais, voilà. Un qui sort le mois prochain et un en juillet. Quoi, mais, pas par le, mais pas par Mashima, donc lui il arrête. Si, non, si, Mashima... si. Mashima, non. Je crois qu'il en sort un. Hein. Non, il supervise. Lui, ah il bon fait autre chose. Ah, il supervise. Oui, il travaille sur autre chose, oui. Mashima. Ah, mais il a tout compris, lui. Lui, il dit mes esclaves, allez-y. C'est ça. Ah oui, donc il fait une. Je crois que c'était lui. Il fait comme l'auteur de Naruto, au final. Il fait comme. Il supervise Boruto de loin, et puis voilà, c'est tout. Ouais, bah, Toriyama aussi. Voilà, c'est ça. Il fait tiens, je vous ai fait un personnage, vous le. Et oui, comme deux ça spin-offs de Fairy Tail. Oui, oui, je l'ai vu, ouais. L'un, un, en fait, on sait pas ce que ça sera, et l'autre, c'est la suite. Donc, à mon avis, sans doute avec les enfants de un tel et un tel, et mes couilles sur ton nez, et voilà, c'est bon, c'est parti. Quoi. Comme mes couilles sur mon comme nez. Comme Boruto, en gros. Ouais, c'est ça. Et il y a un spin-off, on apprend pourquoi Erza a toutes ses armures et comment elle les a eues. Voilà. C'est très long, hein. Tu vois, c'est super chiant. Pour tous ces mangas-là, on va créer une nouvelle catégorie qui s'appelle Osef. Osef. Trop, c'est trop. Voilà. Donc vivement la sortie française pour qu'on chronique ça sur Question Table. Bien sûr. Jamais de la putain de vie. Bon, est-ce qu'on terminerait pas cette émission avec un titre qu'on a tous lu autour de la table et qu'on a tous beaucoup aimé autour de la table? C'est vrai que ça va remettre un peu de joie dans cette émission de déprime. Ah mais c'est bon, c'est juste depuis qu'on a dit du mal de Insex, c'était comme ça. Ah non, avant c'était déjà. Donc on va continuer avec Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je mettrai des rires enregistrés dans le montage en fond, histoire de donner un petit peu de peps à tout ça. Non, vous voulez pas qu'on teste. Et là, il tombe dans la cube de ciment. C'est ça. Je vous avais envoyé la série web avec Samina Seri. Là, oui. Ils ont enregistré les rires. Oui. Ils ont mis les rires enregistrés de manière c'est totalement quoi aléatoire. Homme en prison, un truc comme ça. Prison de mec. Ah oui, prison avec de mec. Un 2, avec le chiffre 2 pour le 2. Ça sonne tellement film porno. Prison de mec. J'ai même pas vu ce truc. Vous avez regardé, ne serait-ce qu'un épisode putain, en putain, j'ai vu un non, épisode. J'ai pas osé. Quand t'as passé le lien, j'ai vu un épisode, j'étais dégoûté. Quoi. Mais au-delà du fait que c'est pas drôle, que les rires sont mis de façon mais totalement aléatoire, c'est des fois il y a des mecs qui disent. Je m'appelle Roger. C'est exactement ça. Il y a un moment, il y a un voilà mec qui dit son nom et t'as des rires enregistrés ouais, derrière. Ouais. T'as aléatoire façon Alf. C'est effectivement, t'as un chat, des fois il piétine une touche et puis ça fait un rire. Quoi. C'est... Oui, mais sauf qu'au moins Alf c'était plutôt rigolo. Ouais, non, des fois les rires ils tapaient n'importe où. Bah, et puis en plus, il y a des blagues super malsaines dans Prison de Mec. Il y a notamment. Tout à fait. Il y a une le des sketch avec, qui a... avec sa série, moi j'ai trouvé ça déjà. C'est... Ouais, mais il y a une des cellules, et c'est un truc qui revient à chaque épisode, où c'est le patron de la prison qui offre un mec en cadeau à un grand noir, à un grand noir homo quand même. Pourquoi c'est un grand noir déjà? Parce que ça fait plus mal. Tous les épisodes, c'est la même chose. C'est le grand noir qui déguise l'autre en tenue féminine. Et, qui, et c'est un manga qu'on a lu, ça sexuel. Mais non, c'est une série mais que je sais, mais je déconne, c'est pour la blague. C'est la France, c'est nous qu'on a fait. Hein. Mais remarque, peut-être qu'il y aura un manga à jour. On est fiers de nos œuvres. Hein. Vous avez vu mes chers voisins? Voilà. Enfin, un manga peut-être pas, mais la BD par le même auteur que celui qui a fait la BD Plouche pas à mon poste. Pourquoi pas? Surtout que c'est en prison, il n'y a pas besoin de faire de décor, encore une fois. Bon, du coup, est-ce qu'on parlerait pas de Drop Frame? Si. Édité par Doki Doki. Donc, Drop Frame, c'est un manga de Narie Shinichiro, pardon, qui raconte l'histoire d'un groupe de quatre jeunes hommes, de garçons et de filles, qui font partie du club de cinéma de leur lycée et qui, pendant le mois d'août, ont l'intention de tourner tout un film à présenter à la fête de l'école. Et lors d'un des premiers jours de tournage, ils rencontrent une jeune fille, Lou Kanata, métisse américano-japonaise. Je refais la blague sur... non. Si, vas-y. Ce podcast n'est pas du tout monté. Métisse mélange de couleurs, voilà. Ce serait dommage de l'avoir perdu, celle-là. Tu es d'ici et je suis d'ailleurs, ouais. Voilà. Super. C'est lui qui a tenu à qu'on fasse la blague. Donc... voilà. Encore une idée. Moi, je propose qu'on la fasse à chaque fois. Et donc, pendant quasiment tout le premier tome, en fait, on les voit tourner leur film amateur avec une ambiance très tranche de vie, très légère. C'est, et on voit aussi les débuts d'une relation amoureuse entre Juno Suke, qui est le monteur de l'équipe, et justement la jeune américano-japonaise Lou, dont il tombe peu à peu amoureux. Celui qui monte le film amateur, du coup. C'est ça. Sauf que un jour, à un moment, vers la fin du tome, ça nous arrive vraiment dans la gueule d'un coup. Il trouve le cadavre de Lou. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Il trouve le cadavre de Lou, donc il est totalement dévasté. Il l'a vue morte, il a touché le corps, donc il est certain qu'elle est morte. Mais le lendemain, en se réveillant, alors qu'il va annoncer la. C'est vrai qu'il est sûr, parce que petit point notable, c'est que la tête fait. D'ailleurs, on va dire que tout le corps fait ploc. La plupart des médecins sont d'accord sur le fait qu'ensemble, elle est vraiment morte de décès. Quoi. En général, quand tu n'as plus ta tête sur tes épaules, c'est que tu es mort. C'est donc ça. Décédé. D'ailleurs, le corps. Dans tout ce monde. Le corps est découpé en une quinzaine de parties égales. Donc généralement, je crois que. C'est difficile. Elle n'a plus toute sa tête. Du coup, elle est moins jolie. Bah, si, elle est toujours aussi jolie, mais c'est juste qu'il n'y a plus de corps. Quoi. Ouais, c'est. Ouais. C'est. Non. Parce que là, même de la gueule, ça sert à rien. Est-ce qu'on sert moins bien ? C'est pas à peine qu'on s'entête. Disons que c'est moins envisageable de vivre avec, là. Bah, c'est sûr que pour un tête à tête. Pour un tête à tête, ça va. Mais pour un corps à corps, ça va être technique. Va falloir du scotch. Même pour un bouche à bouche, ça va encore. Hein. Va falloir du scotch, là. Oh, putain. Oh, la vache. Ah, je suis sûr que c'est récupéré. Et du coup, il prend les leçons de couture. Voilà. Même quand il s'embrasse, ça complique. Bref, il prend ses jambes à son cou. Alors que elle crie à tue-tête. On va pas y arriver. Pardon. Oh, elle a comme un coup de barre. Bah, du coup, elle jouera moins bien. Oui, au moins, oui. Ça, puis elle a plus des rêves plein la tête maintenant. Ah, mais c'est une histoire à s'arracher les cheveux. Hein, bah, c'est une histoire qui n'a ni queue ni tête. Oh putain! Bon, on va essayer de continuer. On est en train de faire du Raymond 2. Donc, ça, c'est le tome 1. Ça. Ouais, c'est le tome 1. Donc, une fois que. Voilà, donc lui, en état de choc, il rentre chez lui et il finit par s'endormir. Mais le lendemain, quand il se réveille et qu'il va annoncer la nouvelle à ses autres camarades, bah, en fait, il se rend compte que la jeune fille est là, elle va parfaitement bien. Et qu'elle a bien toute sa tête. Bah, du coup, elle est très affectée par le fait qu'il vienne tout de suite vers elle et qu'il la prenne dans ses bras. Voilà, il la prend dans ses bras et personne semble au courant de quoi que ce soit. Oui, parce que dans le tome 1, il y a eu un développement dans leur relation qui font qu'ils étaient vachement proches. Ils sortaient ensemble, quoi, en fait. Ouais. C'est à la fin du tome 1 qu'on commence à se rendre compte que tout au long de ce premier tome qui nous paraissait très ordinaire, en fait, il y avait déjà pas mal de trucs étranges. Notamment au niveau des dates, des jours qui ne correspondaient pas forcément, qui semblaient ne pas passer dans l'ordre chronologique. N'en disons pas trop. Voilà, c'est. Donc des trucs étranges à ce niveau-là. Des trucs étranges aussi au niveau du héros qui semblait toujours oublier ce qu'on lui avait dit la veille. C'est, Mais l'auteur, l'auteur le dit texto. C'est. Oui. Genre relis un petit peu et tu verras qu'il y a des trucs bizarres qui se sont passés. C'est ça. C'est ce que l'auteur dit texto à la fin du bouquin. Et donc, y a un retournement complet du genre. Ça sombre dans un récit, dans une sorte de thriller fantastique, on va dire, à partir du tome 2. Mais avec toujours ces éléments tranches de vie. Mais avec toujours le côté tranche de vie. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est super bien. Mmh. Oui. Voilà, c'est la sortie dont on attendait absolument rien, dont on n'avait pas entendu parler, limite. Et en fait, c'est, je pense, le truc qu'on a tous préféré ce mois-ci. Clairement. Puis, couverture passe-partout. Hein, c'est les deux personnages principaux sur fond blanc pour le premier tome. Enfin, voilà, c'est... La couverture fait couverture de survival game putassier, quoi. Bah, ouais. Alors puis, en plus, c'est Doki Doki qui nous a habitués à des trucs. pas terrible. Voilà. Quoique, regarde, la police serait différente, ce serait sur fond rose, là les deux personnages, ce serait un shoujo, hein, y a pas de problème, hein, c'est ça passe. Hein. À partir du deuxième tome, c'est plus compliqué déjà, bon. Ouais, à partir du deuxième tome, c'est plus compliqué. Mais alors, pour le coup, les personnages sont méga attachants, je trouve. Ouais. Tous. Mais il y a plein de qualités dans ces deux tomes. Ouais. Les personnages, le dessin est très très beau. Mm. Il y a vraiment des décors qui sont magnifiques. Et pour moi, c'est devenu un vrai coup de cœur au tome 2. Où bah, quand tu comprends tout, quoi. Il y a plein d'éléments qui s'enchaînent et le héros s'en prend plein la gueule d'un coup. Mm. Et tu dis, mais. Ah putain, et en plus, il se le prend à répétition. Hein. Ouais, c'est tout s'enchaîne d'un coup, quoi. C'est chaîne kill. Bah, dans le tome 2, pour pas trop en dévoiler, ce que je trouve super bien géré, c'est tout le passage de flashback sur ce qui lui est arrivé quelques années auparavant, qui est méga bien fait, je trouve. C'est qui donne énormément d'infos, en fait. Hein. Et puis les interactions différées. Oui. Le mec, il essaye de se dire, bon, merde. Bon, il est quel jour ? Ok. Mais sinon, moi, ça m'a fait penser un peu, justement, sur cette histoire-là, à Higurashi. Où, justement, t'as toute une phase comme ça, où tu vis un côté mignon, et puis d'un seul coup, il se passe des choses bizarres. Et puis, la deuxième partie, donc la deuxième saison dans Higurashi, où là, t'as vraiment toute l'explication de ce que c'est. Et du coup, une tentative d'essayer d'arranger le truc. Mais, c'était mon ressenti principal quand je suis arrivé sur le deuxième tome. Alors du coup, il faut préciser que ce sera une tome en 4 volumes. Une série, ouais, pardon. Donc on est déjà à 2, le 3 va sortir dans 2 ou 3 mois, je crois. Ça va être... Donc on aura la fin à la rentrée des classes, quoi, je pense. Oui, septembre, octobre. Peut-être essayer de faire ça pour la Japan. Possible qu'ils sortent pour la Japan, mais dans ce cas-là, c'est... Bah, le Japan, des fois, ils mettent des trucs un peu en avance. Donc, ouais, des fois, ça arrive un mois après. Donc, Salaud. Après, je sais pas si la série a bien marché, j'en sais rien. Parce que nous, on a un coup de cœur, mais est-ce que ça fait... J'ai l'impression qu'elle bénéficie d'un super bon bouche à oreille. Parce que tous ceux qui le disent aiment beaucoup. Il paraît que chez ton libraire, tout est parti. Voilà. Tu vois, là, ça m'aurait fait chier que ça se vende pas, par contre, que l'autre No Pain, enfin No Game, No... No Pain, No Game, non, ça c'est autre chose. Pain, no... No Game, No Life se vendent comme des petits pains, quoi. Tu mais vois, ça aussi, ça se vend par contre bien. Et ça fait chier. T'en avais commandé combien dans le... 6 de chaque. Ah, c'est bien. Hein. Donc voilà, il en reste plus qu'un. Bon. Ah non, il n'y en a plus, il est réservé. Elle est réservée ? Oui. Voilà, donc il n'y en a plus. Ah, ça fait 12 mangas d'un coup. Hein. Donc vous masturbez pas dessus, il est pour quelqu'un. Non, mais ça va, je me suis occupé. Ça m'arrête ! M'en fous, moi j'ai déjà acheté. Non, mais moi j'ai les miens. Ah oui, c'est vrai. J'ai déjà pris la Fnac. Donc... Espèce de petit enfoiré. Non, c'est pas vrai. Bref, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire parce qu'on risque de vite dévoiler trop de trucs en fait. Oui, tout repose sur le tome 2. On a plein d'éléments. À la fin, on se rend compte que c'est les femmes lesbiennes insectes qui. Non, à la fin, on se rend compte que tout ça, c'est le rêve d'un chien. Et quand ils se réveillent, son maître a rétréci. On se rend compte que Lou, c'est une gamine de 11 ans, surtout. Et qu'ils sont dans une dimension parallèle. Ah la vache. Mais voilà. Bah pour le coup, je pense qu'il faut vraiment lire les deux tomes. Ah oui, hein, oui. Ah, faut ouais, pas lire que le premier. Parce si on lit sinon, que le premier, on comprend pas déjà. Bah surtout que le premier tout seul, il donne pas forcément envie de lire la suite, quoi. T'es sur un truc assez classique au final. Ouais, t'es sur un truc assez classique, 2, ouais. Mais il y a quand même un élément, un gros élément vers la fin où tu dis. Pardon, c'est passé quoi là ? En fait, le premier est intéressant, est intéressant dans la mesure où il faut le relire et où on se rend compte qu'il n'était pas si classique que ça. Ouais, ça. Mais oui, pour t'en prendre plein la tête. Ouais, faut vraiment prendre les deux d'un coup. Ouais. Beaucoup d'expressions à base de tête aujourd'hui. Doki Doki, ils font des coffrets ou pas ? Non. Ce serait bien qu'ils en fassent. Ou alors ils font des coffrets nul à chier des bulles. Et oh ? Genre quoi ? Bah genre là celui-là ils l'ont sorti en coffret. Mais un coffret. Ah moi je parle de vrai. Juste réuni. Les deux tomes réunis sans rien de plus à 15€. Ouais. Par contre ils font l'excellent. Le prix des deux séparés quoi. Ils font l'excellent jeu vidéo. Il y a Doki Doki Panic par exemple. Et Doki Doki, Doki Littérature Club. Voilà. Tu vois, ils font excellent jeu vidéo. Carnage. Non, mais typiquement, si... Tu descends les otaks. S'il sortait un coffret des 4 volumes, je pense que je l'achèterais direct. En général, ils font des écrans, mais qui n'apportent rien et qui sont au même prix. Ils en font qu'à leur tête. Oh putain. Arrêtez de parler de loup comme ça. Et c'est bien classifié, ça, il a une... Bah, j'ai trouvé ça exagéré quand même quand le gamin il joue au football avec la tête de la. En tout cas, elle lui a bien fait tourner la tête, la petite. C'est ça qu'on appelle un coup de tête. Est-ce qu'on va pas s'arrêter là avec toutes ces métaphores à base de tête? Oui, oh, c'était une bonne mise en jambe. T'as pris ton pied? Arrête de mettre les pieds dans le plat. Non, là, c'est, par contre, c'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Bon, allez. On va s'arrêter là. On va passer à ma recommandation que j'ai laissée dans mon sac. Ah, vous me parlez de ces trucs de cul encore. Non, ça, c'est Issam et toi. Ah. Moi, je vais vous parler... Moi, j'ai jamais parlé de trucs de cul. J'achète juste celui dont il parle, lui. Moi, je vais vous parler... Donc, de Sacha Grey's Anatomy. Ah, je l'avais vu. Alors... Dans le milieu, ça, je fais tourner. Je vais vous parler des adaptations des différents romans liés au Magicien d'Oz, donc des romans écrits par L. Frank Baum et là réécrits par Eric Sandwer et mis en scène en images par Scotty Young. Et comme vous pouvez tous vous en rendre compte autour de cette table, c'est moche. C'est putain de moche. C'est d'une laideur inqualifiable. Non, en vrai, c'est putain de beau. Parce qu'on retrouve le style de Young, donc un style très enfantin, mais aussi très coloré, très chatoyant, n'est-ce pas? Mais là, beaucoup moins que ce qu'il peut faire dernièrement sur un... I Hate Fairyland. Parce que là, on n'oublie pas quand même que c'est le Magicien d'Oz, que le magicien d'Oz, c'est pas forcément un récit qui sent la joie et la bonne humeur de partout. Je pense qu'on sera d'accord pour ceux qui ont lu ou vu d'autres adaptations du Magicien d'Oz autour de cette table. Ah bon? Il y a quand même beaucoup de dépression dans le Magicien d'Oz. Et l'ambiance des différents romans est parfaitement retranscrite par Young au dessin. Et la réécriture de Sandwer est vraiment magnifique aussi. Bah, là j'ai... En plus, il y a un truc, c'est au niveau du style de dessin. Là, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Don't Starve. Oui, tout à fait. Et bah, il y a ça comme graphisme. Mais Scotty Young a un style qui pourrait faire penser à Don't Starve. Ah ouais, c'est... Parce que Don't Starve, c'est pareil. C'est du personnage un petit peu difforme, mais... dans un dessin très enfantin, en fait. Et donc, voilà. C'est une histoire découpée sur 7 tomes, il me semble. 6. C'est en 6 ? C'est marqué 6. Non ? Moi, j'ai le tome 11. Il n'y a pas de numérotation sur les tomes, parce que les tomes portent le nom des six. Romans de base, quoi. Et je sais plus combien il y a de romans. Bah, il y a... Ah, des romans. Tu veux dire on en a amené 5 en tout cas. Et donc j'en ai un chez moi, donc il y en a 6 en tout. Ouais, c'est ça. Parce qu'il s'est marqué après 6 livres. Parce que j'ai pas tout ramené. Donc oui, c'est les six romans de l'univers du Magicien d'Oz, adaptés en comics. Donc encore une fois par Scotty Young et Eric Sandwer, qui étaient sortis aux US par Marvel. Ça, c'est de la production Marvel. En fait, l'omnibus qui est toujours dispo. Il ouais. annoncerait 7. Qui est jamais sorti chez nous par contre. Bah, il y en aurait 7 annoncés. Ouais. Mais non, ça c'est les chapitres à l'intérieur des bouquins. Ah, je croyais que c'était lié aux les couvertures. Non, c'est les couvertures de chaque fascicule. Bah, les omnibus Marvel, c'est 125 quoi. Ah oui, putain. De quoi? Et il me demande si c'était cher l'omnibus. Bah, ça dépend en fait. Tu veux voir ta cover toi? Ah, mais celui-là ce sera un 125, ça c'est le dernier. Tandis que tu vois, ouais, justement, je regardais ta cover. Et ils sont à. Je crois qu'ils sont à 13 ou 14 euros. Sérieux? Ouais, ouais. C'est même pas une couverture solide, c'est quoi cette merde? Non mais c'est du panini quoi. Ça tu le trouves en occasion, je pense. Ah oui. Alors. Et si ça te rebute pas de lire de l'anglais, tu trouves en moins cher. Panini, c'est bien un truc, faut oui. coller les images, c'est ça? Alors j'en entends déjà dire oui, mais Christopher, tu nous parles d'un truc édité par Panini il y a maintenant des années. Vu que c'est un éditeur de merde, ça doit plus être disponible. Eh ben non, tout est encore disponible. Hein. À la commande, il y a pas de numéro épuisé. Il n'y a pas d'arrêt de com, c'est disponible. Alors, du coup, c'est un petit peu triste parce que ça veut dire que ça ne s'est pas vendu et que tout est encore disponible. Et que ça reste Panini. Et que Panini, à mon avis, n'a pas dû les imprimer en grand nombre. Donc, clairement, ça a dû pas se vendre. Et du coup, ça reste un éditeur. Oui, mais on s'en fout, au moins c'est disponible. Oui. Au moins c'est disponible et c'est du très chouette Scotty Young. Et si en plus on aime bien l'univers du Magicien d'Oz, clairement, c'est à lire. Ah bah ça, visuellement, c'est magnifique, et l'univers du Magicien d'Oz a l'air vachement bien retranscrit, mais je comprends que ça soit pas vendu. Enfin... Oui, bah, parce que si tu connais pas Scotty Young, t'as pas envie d'acheter. Quoi. Alors, remets-toi en perspective, Issam. À cette époque-là, Urban Comics n'était pas encore sur le marché. Et les couvertures rigides, ça n'existait quasiment pas. Tout était vendu en souple comme ça à l'époque. Mais tu sais que tu critiques ce format-là, mais c'est ce qu'il y a maintenant aux US. Hein. Mais je m'en fous de ce qu'ils font aux US. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ici, on est en France, monsieur. Ça se vend bien. Hein. Bah, par contre, après, c'est un choix perso. Moi non plus, j'aime pas trop, mais... Bah, aux US, c'est le format souple, oui, qui est le format roi. Ouais. Eux, le rigide, ils aiment pas. Ils préfèrent le souple. Aux US, ils ont pas les couvertures sur les mangas, donc c'est bon. Mais sauf que aux US, chez nous, ça s'est vendu 14 balles. Aux US, c'est vendu 20 balles. Il y a quand même aussi cette différence-là. Ouais, maintenant, ça a un peu changé, mais oui, à l'époque, c'était ça. Oh, ça reste cher, hein, le souple, même chez eux. Enfin, globalement, le comics, la littérature, c'est cher là-bas. Ouais. Bref, désolé, on a un peu ruiné ta chronique en bâchant C'est toi qui as bâché comme un sauvage juste parce qu'on a dit que Insects c'était de la merde. On a pas dit que c'était de la merde. On a dit sur les prix, je suis pas d'accord quand même. Parce que moi j'ai suffisamment dit mon amour pour cette série. Non, mais c'est oui, ça a l'air très très bien. Et puis bah, j'adore ce que fait Scotty Young. Enfin, j'adore ce que j'ai lu de Scotty Young. Achète ! Bon, pas ceux-là, c'est les miens. Non, pas Nini. Oui, mais il est diffusé par Hachette, donc je t'ai niqué quand même. Ah, bien. Regarde, le roi des lapins, il est pas mignon. Il est adorable. Mais il y a un mec, si tu veux, de Reims, qui vend l'omnibus d'Oka sur eBay. Ah ouais, ouais. Enfin, je regarde. Mais c'est marrant parce qu'il le met tout le temps à 1€. Puis bah, si l'enchère lui plaît pas, il le remet, il ferme la vente. Ouais. Et il le remet. Bah, autant qu'il mette son prix. Mais il est trop con, c'est tout. Est-ce qu'il y a possibilité de faire une enchère en mettant un prix de vente direct? Bah, de base, oui. Tu mets un prix minimum, quoi. Ouais. C'est vrai, regarde, tiens. Le prix minimum, il met juste un tout petit peu, un tout petit peu moins que ce qu'il veut exactement. Un tout petit peu plus que ce qu'il voudrait. Qu'est-ce que tu marmonnes dans ta barbe? Non, je disais, il faudrait que je regarde quand j'aurai un peu plus d'argent, si je les trouve d'occasion. Ils sont trop bien. Et celui-là, il est tellement bien, t'as même pas idée. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Bah, je trouve que pour le coup, sur cette série-là, il a un crayonné plus détaillé que sur Hayat Fairyland. Un peu plus parce adulte que, aussi. Ouais, parce que sur Fairyland, c'est plus sur les couleurs et les formes qu'on joue, tandis que là, c'est plus détaillé, c'est plus... Je dirais pas que c'est mieux, parce que ça se compare pas vraiment, mais... Fairyland aussi, le trait est très fini. Ouais. Très justement, très bande dessinée. C'est plus fluide que ça, en fait. Bande dessinée franco-belge, tu vois, au niveau du trait. Alors que là, c'est vraiment plus, esthétique. Ouais. Mais voilà. Très cool. Les hausses de Shanower et Scotty Young, eh ben, c'est de la bombe de balle. Et tout est disponible encore. N'hésitez pas à les demander à vos libraires. Surtout si c'est au Gré des Bulles, 44 rue du Jard à Reims. Il n'y a même plus besoin de la faire moi-même. Il l'a fait tout seul pour moi tellement il est bien éduqué. Alors, où on en était? Bon, on a fini. Putain, on en a fini avec cette émission. Il est grand temps de dire au revoir à tout le monde, mais d'abord un petit tour de table. Issam, on sait très bien te retrouver, tu nous l'as rabâché en début d'émission déjà. Mais allez, on va te laisser le répéter. Parce qu'on est bien éduqués. Vous retrouvez sur la chaîne de l'archiviste du cinéma, je fais des vidéos bien meilleures que ces podcasts. C'est pas une de panda toi ta chaîne? Non, je suis moins payé que lui par les distributeurs. Oh là là, comment ça tacle. Nécro, où est-ce qu'on te retrouve? Donc moi, c'est le cinéma de Durand. Et Alex, c'est le fossoyeur de films. Non. Ah si, t'as un petit air en plus. De très loin. Non, hein. Moi, c'est Télérama. Ah. Je fais des critiques sur Télérama. Ah, c'est dommage. C'est pour ça que t'es un connard pédant. Plus, il l'a dit tout à l'heure. Donc Nécro, redis-nous ça. Non, moi, c'est sur Twitter, Necronomicon. Et puis bah peut-être un jour sur YouTube. Voilà. Bah là j'ai fait quelques débuts de montage, mais bon il me manque encore des trucs qu'il faut que je refasse absolument. Et là il faut absolument que je demande à celle qui s'occupe des graphismes de s'occuper de ça. Ça le mois dernier. Oui. Et même le mois d'avant. Ah non mais entre temps j'ai été pris. Et par la graphiste. Toujours la même excuse. Et puis sinon, entre temps. La fois d'avant, il avait la gastro. C'est pas comme ça qu'elle va être. À cause de la foutez-moi la veille. Non, et puis sinon, la dernière fois, j'ai demandé un truc. J'ai essayé de trouver un graphiste pour faire un petit travail. Et en fait, ben, il était débutant. Et du coup, bon, je l'ai quand même payé pour ce qu'il a fait. Mais c'est pas top. Voilà. Du coup, je vais quand même le mettre. Quand j'aurai sorti ma première vidéo, je mettrai une semaine ce qu'il m'a fait. Puis après, je mettrai autre chose. Parce que c'est dégueu. Il faudra que tu fasses un recueil de nouvelles sur la création de ta chaîne. Il y a moyen de faire un truc à la On the Frontier. mais, super tristouille, mais un petit peu mélancolique en même temps. Bah, le truc, c'est que j'ai pas trop eu le temps. Il y a eu beaucoup de choses où j'ai pas trop eu le temps de m'y mettre. Mais il me répond fou le premier degré en plus. C'est enfin là je parle allemand, c'est-à-dire que. Il parle à la population. Et du coup, il y a des fois même où je préfère pas en parler parce que je dis mais là j'ai rien à raconter quoi. Il y a un côté comment c'est loin hein, la création de sa chaîne. Ouais bon toi ça va, toi hein, la France en marche, hein, on le sent bien dans ta chaîne. Hein. La République en marche en plus. Bah voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je préfère limite quand on parle de ma chaîne. J'en reparlerai moi-même. D'accord. J'en reparlerai moi-même et je donnerai les infos moi-même. D'accord. Donc retrouvez-moi surtout sur Twitter. Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver au cabinet de En Marche, c'est ça? C'est ça. D'accord. Non, j'ai pas de chaîne YouTube, donc vous pourrez me retrouver sur les Twitter des deux émissions, Cas sur table et c'est quoi l'autre connerie qu'on fait? À chaque fois il dit ça, mais jamais il poste dessus. Quoi. La guerre des claves. Et la guerre des claves. À chaque fois il dit ça, mais jamais il poste dessus. Bah parce qu'en fait, j'attends de voir s'il y a des questions, mais on n'a jamais de questions. Donc c'est un appel aux auditeurs, tu veux qu'on pose des questions. S'il vous plaît, stimulez notre... Comme ça, c'est lui qui répondra. Comme voilà. Ça, c'est lui qui répondra. Encore faut-il que ce soit des questions auxquelles il puisse répondre. C'est ça. C'est pas faux. C'est sûr que oui, si on me demande est-ce que je recommande Insect... Combien de fois Chris et Isham, ils vont prendre le bain ensemble? Envoie-nous des photos. On veut voir ça. Dans la prochaine vidéo, Garci Wish. Est-ce qu'on peut avoir des copies de No Pain, No Game, No Life? Oh putain, mais No Pain, No Game, No Pain, No Game, il reste. Il n'y arrivera jamais. J'y arriverai jamais. Avec The Rock dans le rôle de la petite sœur. Ouais. Oh putain, les plans culottes de The Rock. The Rock, quoi. Les pattes écartées en train de jouer. Oh, ça doit être tellement immonde. Bah, de toute façon, il l'a fait. Le Jumanji, c'est une fille, non, qui se réincarne dans The Rock. Oui. Ouais. C'est non. Ça Non, si, si. Si, si. Ah non, c'est un gros. Bah non, je m'en dis, c'est un mec qui a le corps de The Rock. Ah, je croyais. Oui, mais c'est le stéréotype du petit gros, non? C'est pas ça. Ah non, c'est le mec peureux. C'est le peureux. C'est le gros du. C'est le petit gros du dans le. Ah non, qui est en meuf. Qui est une meuf à la base. Ah oui, oui, pardon. D'accord que ton setup, c'est moi qui ai vu cette merde là, alors vous avez pas à me dire que non. Hein, je l'ai vu, moi, ce film pourri. Eh, moi, je l'ai vu. J'étais là, moi. Et qu'est-ce que tu en as gagné comme expérience? Ah putain, que dalle. J'ai saigné du cul pendant 4 jours. Et t'as payé ou pas? Non. Si. T'as payé? Oui. Eh ben. Bah ça valait le coup de se foutre de sa gueule quand il allait voir Justice League. Bah alors toi, hein. Oui, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un pote. On voulait se faire un ciné et il y avait que ça. Ouais, je dis que. Et, films, et c'est toujours ton pote. Tu vas le revoir, c'est pote. C'est toujours ton pote ou. C'est toujours mon pote. Moi je dis que les films ça devrait être comme Steam. Si c'est pourri, on devrait pouvoir les contacter pour demander remboursement. On peut faire ça avec Steam? Bien sûr. Bien sûr. Tu le joues pas trop longtemps, tu vas pas rembourser. Je crois que la limite c'est quoi, 4 heures? Ouais. D'ailleurs, genre t'as joué 2 heures au jeu, c'est vraiment de la merde, ça déconne, c'est bugué de partout. Bah, tu contactes Steam, tu dis rembourser. Ouais, après, souci, mais... Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir c'est un. C'est ça la condition, ou alors la condition c'est de pas y jouer aussi. Oui. Si t'y as jamais joué, ils peuvent te rembourser aussi. Oui. Moi, ce qui est très con, c'est que j'ai acheté un jeu qui buguait, mais son problème, c'est qu'il buguait après 10 heures de jeu. Et du coup, j'étais dans la merde. Les développeurs, ils ont mis un chrono. Ça bug à partir de 10 heures, comme ça, il est niqué. Tu sais, c'est un élément dans le qui doit être dans un décor, dans le jeu, qui fait qu'à chaque fois que tu arrives dans ce décor-là pour faire un combat, ben, t'as le PC qui crache au bout de 20 secondes. C'est con. Joie. Bien joué. C'est Bandai. Hein. Bien joué. Donc, on te retrouve sur Bandai sur le SAV de Bandai, sur le forum SAV de Bandai. En train de gueuler. 22 connards. J'ai payé 20 euros. 20 euros pour cette merde. Et il enverra des gifs de plans culottes de The Rock pour se venger. Oh grand frère. Onisan. Viens prendre le bain avec moi. Je vais hacker leur site pour mettre ça en bannière. Onisan, t'as une clope. Ah, Mosinor, tu nous manques. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver à la librairie Regret des Bulles, au 44 du Rage. Putain, du Rage. 4 rue du Dragon. Rue de la Rage. Ouais, rue de la Rage. Ouais, ouais. Rue du Dragon enragé. Non, rue du Jar à Reims. Et. Ah, c'est moins classe le Jar. Sur Gamer Bizarre Adventure. Il peut vendre les Oz de Scotty Young à un prix prohibitif. Non, parce que je crois qu'il cote même pas. Voilà, t'es déçu, hein. Ah, et puis venez, il y a non, encore des infections à acheter. Du prix neuf. Hein. Ah oui, pourquoi pas. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour un prochain cas sur table et surtout pour un prochain Guerre des Claps. Élisée Droprême. Bye. À la prochaine. Salut, salut. Et insectes aussi.